merci d'être venu aussi nombreux pour cette première conférence de l'année. Excusez-moi. Donc, cette conférence s'intitule Croisade et croisée au Moyen-Âge. Vous êtes présenté par Alain Demurger, maître de conférence honoraire en histoire médiévale. Et sachez que la prochaine conférence, c'est sur médecine anti-âge. Elle sera suivie d'une dédicace avec la librairie Le Livre et la Tortue. Et elle se déroulera mardi 31 janvier à 19h30. Bonne conférence à tous. Merci. On va d'abord essayer le micro, savoir s'il faut parler dans le manger ou pas, comme ça, ou comme ça, ça va, là ? Là, non, c'est loin ? Un peu loin ? Oui, alors, bon, c'est très... Bon, je vais essayer hein, de... Mais n'hésitez pas à me dire, de me rapprocher si des fois, il y a... Ça patine, Alors, je dois vous présenter donc cette une conférence sur les croisades et croisés au Moyen-Âge. C'est essentiellement à partir d'un livre que j'ai écrit sur le sujet il y a quelques années déjà, avec ce titre. Donc, ça reprend largement et le plan et enfin certaines parties et le plan et le contenu de ce livre. Simplement, je ne pourrais pas tout dire sur la croisade, sur tous les aspects. Il y a des choses qui vont manquer, il y a des choses qui vont vous étonner que ça n'y est pas. Si je ne parle pas de Saint-Louis, vous étonnez pas, c'est que j'aurais oublié ou j'aurais sauté parce qu'il fallait aller plus vite. Mais je sais qu'il existe et je sais son rôle dans la croisade. C'est pas volontaire. Enfin, c'est bon, ça sera comme ça. De même, alors que j'ai écrit depuis 30 ans sur les Templiers, je n'en dis pratiquement pas un mot dans cette conférence, alors qu'on sait très bien quel rôle les Templiers, les Hospitaliers et les Teutoniques, c'est-à-dire trois ordres religieux militaires, ont pu jouer dans la croisade et dans la défense des États latins d'Orient. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout dire, et donc, de temps en temps, il faut trancher. Alors, deux précautions au départ. D'abord, je vais parler des croisades. Ne vous attendez pas à un récit des croisades à numéros, comme je les appelle, hein, de 1 à 8, la première croisade, la deuxième en 1147, etc., etc. Ça, c'est un peu raconté partout. C'est pas que c'est pas inintéressant, mais il faut passer vite là-dessus. Bon, il faut savoir que la période dans laquelle je vais me situer, c'est la période, effectivement, des grandes croisades en Terre Sainte. Mais il faut, c'est-à-dire le XIIe et XIIIe siècle, de 1099 à 1291, à 1291. Mais il faut savoir que la question de la croisade, l'idée de croisade, même des expéditions de croisade ou assimilées à la croisade, se sont prolongées au-delà de ce terminus de 1291, qui est en fait une fausse coupure, une fausse fin à l'histoire de la croisade, de son idée et de sa pratique et de ses déviations. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire toujours très attention, mais ça c'est valable pour tous les sujets qu'aborde l'historien, à savoir que la croisade, on en parle beaucoup en ce moment, trop à mon avis, mais ce qu'on dit de la croisade de nos jours, à notre époque, ne doit pas être reporté mécaniquement 9 siècles en arrière. La croisade, c'est quelque chose qui est né à la fin du XIe siècle, au début du XIIe, qui est né avec certains objectifs, certains caractères, que l'historien se doit d'analyser pour essayer de comprendre et savoir pourquoi. Puis ensuite, c'est un objet historique qui a évolué, qui a vécu sa vie et qui aboutit de nos jours à un certain nombre de choses qui sont dites sur la croisade, sur ce que c'est, ce que ça devrait être peut-être, mais ce qui n'est pas vraiment la croisade au moment où ça commence. Alors moi je vais commencer au début, j'essaierai de voir seulement pour le Moyen-Âge, on ne peut pas poursuivre trop longtemps, malgré la conclusion qui est indiqué sur l'écran, hein, la croisade jusqu'à la fin des temps, je crois que je n'irai pas jusque-là. Alors, voilà donc pour ce sujet. Alors, en introduction, je voulais simplement vous montrer la carte du XIIe siècle. C'est la carte de la situation du monde de l'islam. Ah ben, je laisse ça sur ici, alors, donc ça peut aller. Du monde de l'islam, mais ça peut me servir de carte générale pour la Méditerranée à la fin du XIe, début du XIIe siècle. On est, bon, parce que la croisade naît dans le bassin méditerranéen, naît dans ce cadre, dans ce contexte méditerranéen. Donc, en gros, c'est un contexte, la Méditerranée se présente avec, c'est un monde, disons, bipolaire ou quadripolaire, ça dépend comment on compte, 2 ou 2 fois 4, ou 2 fois 2. Il y a d'une part le monde chrétien avec, pas indiqué trop sur cette carte puisque ça représente le monde musulman, donc évidemment on laisse de côté le reste, mais enfin peu importe, il y a le monde chrétien avec deux chrétientés, en quelque sorte deux états, ou deux groupes chrétiens, d'une part l'Occident chrétien, latin, romain, réunis sous l'autorité du pape de Rome, mais partagé en de multiples seigneuries, principautés, royaumes, avec deux pouvoirs universels, ou du moins deux pouvoirs à prétention universelle, le pouvoir temporel représenté par l'empereur, qu'on appellera plus tard l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui s'appelle pas encore comme ça à la fin du XIe, et le pouvoir spirituel représenté par le pape à Rome. Mais en fait, la réalité des pouvoirs dans cet Occident de la fin du XIe siècle, ce sont des pouvoirs très émiettés, très parcellisés, qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le nom de féodalité, société féodale, pouvoir féodal. Et puis, vous avez un autre groupe chrétien, un autre ensemble chrétien, qui est l'Empire byzantin, hein, celui qui est indiqué en violet sur la carte, qui, à la fin du XIe siècle, s'étend encore un peu sur l'Italie du Sud, mais c'est vraiment l'extrême fin. Les principautés d'Italie du Sud se sont rendues autonomes sous la direction de princes normands, qui ont d'abord servi comme mercenaires au service de Byzance dans ces régions, et puis qui se sont rendus autonomes et maîtres du terrain. L'Empire byzantin, donc, à cette époque, en fait, se trouve limité à la Grèce et aux Balkans, et, puisqu'on est en 1099, il a perdu le contrôle de l'Asie mineure, qui était avant l'autre poids, si vous voulez, l'autre territoire important de l'Empire byzantin. Il l'a perdu à cause de l'irruption d'un peuple musulman nouveau, les Turcs seldjoukides, au cours du XIe siècle. Quant au monde musulman, le deuxième groupe, eh bien, pour ce qui nous concerne, autour de la Méditerranée, il est représenté par deux entités importantes, deux califats. Je rappelle que le calife, c'est celui qui possède un pouvoir à la fois spirituel et temporel, et qui est héritier, successeur de Mahomet, et qui a succédé à Mahomet, mais en fait, il y a deux califats, parce que le monde musulman est partagé en deux. Le partage de ce monde musulman en deux existe toujours, il est partagé entre sunnites et chiites. Donc à cette époque, entre un califat sunnite, qu'on appelle le califat abbasside, qui est centré sur Bagdad, et donc dont les territoires principaux recouvrent la Perse, la Syrie et l'Arabie, et le califat fatimide chiite du Caire, qui regroupe les territoires du Mashrek, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Afrique nord-orientale, et le territoire qui est aussi installé au sud de la Syrie. Jérusalem est dans le califat fatimide jusqu'en 1173, date à laquelle, je vais en parler deux secondes, les Turcs seldjoukides font irruption dans la région, s'emparent de Jérusalem, mais en fait les fatimides reprendront la ville en 1098, c'est-à-dire que lorsque les croisés vont arriver à Jérusalem en 1099, ils vont trouver une Jérusalem repassée sous le contrôle des fatimides d'Égypte. Irruption des Seldjoukides, des Turcs Seldjoukides, eh bien, ceux qui viennent de l'Asie centrale, qui a été l'inépuisable berceau de beaucoup d'invasions de peuples dans cette région pendant tout au long du Moyen-Âge, et même déjà dès l'Antiquité. Et ces Turcs Seldjoukides sont sunnites, mais ils vont prendre le contrôle, en fait, du califat de Bagdad, du califat abbasside, mettre sous tutelle, en quelque sorte, le calife, et prolonger leur offensive jusque à Byzance, s'emparer pratiquement de toute l'Asie mineure byzantine et aussi de tout le nord de la Syrie, les régions de Damas, etc., jusqu'à Jérusalem en 1173. Le problème pour les Turcs Seldjoukides, comme souvent dans cette région, c'est que, à peine installés, à peine ayant pris le contrôle de ce vaste territoire, quand même, qu'est le califat abbasside, à peine ayant établi un sultan à Bagdad pour exercer le pouvoir réel, les Turcs se divisent en multiples petites principautés, et c'est à ce monde turc vigoureux mais divisé en multiples petites seigneuries, petits états, que les croisés vont avoir affaire. Donc voilà cette, la situation, disons, géographique dans lequel la croisade va démarrer, dans lequel, si vous voulez, la croisade va se trouver son origine. Alors, à l'origine de la croisade, on a ce qu'on appelle l'appel de Clermont. Alors, attends, voilà. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle l'appel de Clermont est l'objectif de la libération de Jérusalem. En 1088, est devenu pape sous le nom d'Urbain II, un moine clunisien bourguignon appelé Eudes de Lagerie, nous connaîtrons donc sous le nom d'Urbain II, qui va poursuivre activement la politique de réforme de l'Église de son prédécesseur, Grégoire VII, qui a donné d'ailleurs son nom à cette réforme de l'Église, c'est la réforme grégorienne. Et cette réforme de l'Église, du clergé, de l'Église, mais aussi de la société chrétienne, dans son ensemble, eh bien, Urbain II va la poursuivre vigoureusement en sillonnant l'Occident latin et chrétien pour propager cette réforme. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver en novembre 1095 à Clermont, en Auvergne, pour diriger un concile provincial, le concile de la province ecclésiastique de Clermont et de quelques évêchés des environs. Et au lendemain de ce concile, donc consacré à la réforme grégorienne, à son application, à son développement, il va réunir sur le parvis de la cathédrale de la ville une grande foule, il va tenir un meeting en quelque sorte, et s'adresser à une foule qui est essentiellement composée de laïcs et au sein de laquelle les seigneurs laïcs de toute la région et leurs escouades de chevaliers sont particulièrement nombreux. Et c'est là que, se tournant vers les laïcs, leur vantant les mérites de la réforme grégorienne, leur demandant instamment de s'y rallier, de veiller à limiter leur instinct batailleur et leur violence, essentiellement dirigée contre les clercs, il va leur proposer un objectif plus reluisant pour faire leur salut, plutôt que de se battre entre eux, plutôt que de se livrer à des guerres privées pour le compte de tel ou tel patron, seigneur, etc., eh bien, il va leur proposer de se rendre au secours des églises d'Orient menacées par les Turcs. Donc, d'aller au secours de Byzance, qui d'ailleurs, à la suite des défaites face aux Seldjoukides, réclame ces secours. Byzance utilisait déjà, les armées byzantines utilisaient déjà le service de mercenaires francs, anglais, normands, normands d'Italie du Sud, de mercenaires aussi russes, la garde nordique, la garde varangienne par exemple, les varanges c'est les normands de la Russie et d'Ukraine. Et donc il appelle à aller secourir Byzance, à aller aider Byzance. Mais il fixe aussi un objectif ultime à l'expédition, c'est celui d'aller libérer Jérusalem, la ville du Christ, passée, comme je vous l'ai dit, en 1073 sous le joug seldjoukide, en 1095, c'est encore d'actualité. Et donc, l'objectif de libérer Jérusalem, de libérer la ville du Christ, on a discuté de savoir si ça figurait dans le discours ou pas, en tout cas ça figure dans les prédications d'Urbain II dans les semaines qui suivent, donc s'ajoute en quelque sorte à la libération, c'est-à-dire des églises orientales, c'est-à-dire en fait à l'aide à Byzance. Et donc, en appelant les chrétiens d'Occident à secourir leurs frères d'Orient, Urbain II appelait en fait à une guerre sainte. Mais en y adjoignant l'objectif de libération de Jérusalem, il introduisait dans l'entreprise le pèlerinage et ses récompenses spirituelles. Il unissait ainsi, il fusionnait guerre sainte et pèlerinage, car le pèlerinage à Jérusalem, bien que Jérusalem fût sous domination musulmane, était quand même très important. Les chrétiens se rendaient à Jérusalem, il y avait des tracasseries, on leur faisait payer des taxes, etc. Mais en gros, ils pouvaient accéder au lieu saint. Et pendant le XIe siècle, jusqu'à la croisade, les pèlerinages, et particulièrement des grands pèlerinages collectifs, à Jérusalem ont été nombreux. Donc, en introduisant l'entreprise, dans l'entreprise qu'il l'appelle de soutien à l'église aux églises d'Orient et à Byzance, en introduisant le pèlerinage, il ajoute à la guerre sainte l'idée de pèlerinage et des récompenses spirituelles qui vont avec, puisque le pèlerinage est un pèlerinage pénitentiel, et il crée ainsi ce qu'on va appeler, nous, la croisade, mais il ne le savait pas encore, et il n'avait pas de mots encore pour nommer cette nouveauté. Il y a eu un appel, il y a eu une réponse. Et dans la définition de la croisade, dans le contenu de la croisade, la réponse a autant d'importance que l'appel. C'est là ce que les gens ont entendu et la façon dont ils l'ont interprété, la façon dont ils l'ont mis en pratique, qui compte aussi. La réponse à l'appel d'Urbain II a dépassé sans doute ses espérances et a provoqué aussi quelques inquiétudes de la part de certains clercs qui ont vu cette grande masse de gens qui partaient sans aucune expérience. Il y avait de tout dans la masse des croisés qui se sont décidés. Ça a pu inquiéter un peu. Mais en effet, on pensait surtout, dans la perspective d'une aide à Byzance, à des chevaliers, à des combattants, à des gens sachant combattre. Et on a vu se mobiliser des gens de tous bords, de tous milieux, de tout état social. Des chevaliers, bien sûr, des seigneurs, des grands seigneurs, des princes, pas de rois, mais des princes, et aussi une masse de ces laboratores, de ces travailleurs, hein, qui constituaient le troisième ordre de la société et sur lequel on ne comptait pas trop. Et donc, on a parlé par le passé souvent d'une croisade populaire qui serait opposée à la croisade des barons, à la croisade des aristocrates. Mieux vaut en fait distinguer des mouvements spontanés et une entreprise plus organisée. Un négocium, c'est le mot qui est employé par le pape à ce moment-là, faute de mots adaptés, il emploie le mot qui passe partout, qui est de négocium, hein, affaires, entreprises, etc. Et dans sa réalisation entre 1096 et 1099, eh bien, la première croisade a d'abord été un mouvement très chaotique, avant que, après le massacre ou la dispersion des croisés dits populaires, qui sont partis sans attendre, tout de suite, dans l'enthousiasme, sans prendre les précautions nécessaires pour faire un long voyage et pénible voyage, eh bien, une fois que ces croisés ont été dispersés en Asie mineure par les Turcs, les chefs des différentes croisades des barons ont imposé une certaine discipline. Alors ce fut une longue expédition qui a parcouru par groupes successifs les plaines de Hongrie, les montagnes des Balkans byzantins, l'Asie mineure turque, et la croisade a été marquée par des souffrances sans nom, par le froid, par la faim, par les embûches, les attaques de toutes sortes, qui ont décimé une armée qui était fort nombreuse, une armée qui était composée de toute une masse de non-combattants, fort nombreuse, qui a été en proie souvent à des mouvements paniques, à des déchaînements de violence inouïes, comme ces pogroms, lancés contre les communautés juives du Rhin, dès le départ. Hein, on allait combattre l'infidèle en Orient, commençons par nous débarrasser de l'infidèle en Occident, même si ce n'était pas le même. Et on a parlé aussi, il y a eu aussi ces scènes, c'est resté célèbre, enfin, il ne faut pas non plus exagérer son importance, ces scènes de cannibalisme qui ont été pratiquées par certains de ces croisés, actes de transgression qu'on explique à la fois, enfin, qu'on explique par l'association de la faim et du dénuement extrême et de la suralimentation spirituelle provoquée par les sermons enflammés des prédicateurs, les prophéties, les miracles. on a fait avancer la croisade à coup de miracle provoqué, la découverte de la Sainte Lance dans la cathédrale d'Antioche, par exemple, était beaucoup monté. Hein, si vous croyez au miracle, on y croit. Hein, eux, ils ont fait semblant d'y croire et ça a marché. Donc, violence qui culmine avec la prise d'assaut de Jérusalem et le massacre d'une grande partie de la population musulmane et juive, pas de toutes, mais d'une grande partie. C'est que les thèmes de la ville sainte, hein, qui, dans les sermons, dans tous les textes qui préparent la croisade, qui préparent l'expédition, c'est le thème récurrent de la ville sainte souillée, polluée par la domination des infidèles et qu'on appelle à purifier et que les croisés vont purifier, évidemment, ça ne favorisait pas une approche, pas non violente de la prise de la ville sainte qui a été, il faut le rappeler aussi, prise d'assaut. Une ville prise d'assaut en général passe ensuite plus qu'un mauvais quart d'heure. Dans la ville, pas toutes les villes, hein, Jérusalem ou autre, et partout. Bon. La ville ainsi libérée, bien, il fallait la garder, donc s'organiser. Et cela n'allait pas de soi. Beaucoup de pèlerins croisés, une fois la ville conquise, eh bien, sont allés prier au Saint-Sépulcre, sur le tombeau du Christ, tombeau vide du Christ, hein. On va quand même le rappeler, l'ascension de la Pentecôte, et donc ils sont allés prier sur le tombeau du Christ, et puis une fois qu'ils ont prié, ils ont considéré que leur vœu de croisade, on va y revenir, ce que c'est que le vœu de croisade, eh bien, était accompli, et donc ils sont rentrés chez eux. La grande masse des croisés est rentrée chez eux. Donc, à quoi ça servait de libérer une ville, de la libérer de l'oppression des infidèles, si on fichait le camp tout de suite après et qu'on laissait les infidèles revenir tranquillement, reprendre le contrôle de la ville. Tous ne sont pas partis et donc on s'est organisé et on a créé un certain nombre d'États qu'on va appeler les États latins d'Orient. C'est le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le royaume de Jérusalem et, in fine, entre Antioche et Jérusalem, le comté de Tripoli. Alors, ça, c'est... Voilà. Où elle est ma carte ? Voilà. Donc, on n'y voit rien, d'ailleurs, ou pas grand-chose. Si, on y voit quand même, hein, les quatre États. Vous avez donc Jérusalem en bleu, Tripoli en violet, en mauve plutôt, Antioche en violet, et le comté d'Édesse, tout en haut, qui a été le premier créé, mais le premier aussi à chuter dès le milieu du XIIe siècle. Car, effectivement, les chefs de la croisade, même si au départ ils n'y pensaient pas, mais ils y pensaient quand même un petit peu, se sont dit qu'après tout, l'occasion était belle de sortir un peu de la médiocre vie qu'ils menaient en Occident pour installer leur pouvoir, s'installer en Orient. Il y avait quand même toute la magie de l'Orient, les mystères de l'Orient, les richesses de l'Orient, ça pouvait attirer. Et les premiers qui se sont séparés de la croisade dès 1098 ont été fondés le comté d'Édesse. Et en particulier, ceux qui sont allés fonder le comté d'Édesse, ce sont les membres de la famille de Boulogne. Il y avait trois frères, Godefroy de Bouillon, Baudouin de Boulogne et Baudouin du Bourg, le cousin. Eh bien, c'est Baudouin de Boulogne qui a été fondé le comté d'Édesse, qui de ce fait ne se trouvait pas à Jérusalem en 1099 au moment de la prise de la ville, mais qui est arrivé après et qui a eu ensuite la chance de succéder à son frère Godefroy de Bouillon dès 1100, puisque Godefroy de Bouillon a été désigné comme avoué du Saint-Sépulcre, il ne voulait pas prendre le titre de roi dans la ville du Christ. Il est mort en 1100, donc au bout d'un an. Son frère a été appelé, Baudouin de Boulogne a été appelé à lui succéder, et lui était déjà beaucoup plus réaliste et ne s'est pas encombré des préoccupations de son frère Godefroy. Il s'est fait proclamer roi de Jérusalem. Du coup, c'est Baudouin du Bourg qui est devenu comté d'Édesse, et quand Baudouin Ier est mort, en 1118, c'est Baudouin du Bourg qui est venu lui succéder sous le nom de Baudouin II. Donc Édesse, c'est un bon point de départ pour devenir roi de Jérusalem. C'est le trajet le plus court pour arriver là. Donc voilà ce qui a été créé. Et la croisade est désormais ce qu'on va appeler la croisade. Les expéditions vont avoir comme premier objectif de défendre ces États latins. L'effet de surprise, en effet, a joué à plein par rapport aux États musulmans, par rapport au pouvoir musulman. Mais bon, il faut bien se rendre compte que ça n'allait pas durer, que les musulmans allaient se ressaisir et que donc on pouvait s'attendre à avoir lutter sérieusement et longuement pour maintenir ces États. Alors, je ne développerai pas ces thèmes de l'histoire militaire, politique des États latins, des offensives, contre-offensives des musulmans, etc., des secours apportés d'Occident par des croisades successives et entre les croisades à numéro par des passages successifs de croisés qui faisaient le vœu de croisade sans partir avec une croisade à numéro, comme je les ai appelés, comme je les appelle, mais qui constituaient quand même des expéditions de secours solides, intéressantes pour les États latins et qui leur ont permis de se développer, de s'étendre, de contrôler le territoire. Ça a pris du temps. La dernière ville à tomber pour le royaume de Jérusalem, c'est Ascalon, dans le sud du royaume, ça, en 1153 seulement. Mais Tyr tombe aussi en 1124. Donc, vous voyez, il a fallu prendre le contrôle de ces villes. Ça n'a pas été tout seul. Alors, venons-en à un deuxième aspect de la croisade. Maintenant, c'est le croisé, dont le nom latin est celui de Crucé Signatus, marqué de la croix, marqué par le signe de la croix. Je vous ai dit que Urbain II n'avait pas nommé le négocium qu'il avait lancé, parce qu'il n'avait pas de mot pour le nommer, ce que nous appelons la croisade. Mais il a identifié par un signe celui qui partait en croisade, alors on va parler de croisade quand même, même si le mot n'existe pas à ce moment-là. C'est le signe que celui qui s'engage va porter sur lui, il va donc être signé de la croix, Crucé Signatus. Ce croisé prend la croix après avoir prononcé un vœu. Le vœu, qui est une promesse privée, faite à Dieu, qui désormais le lie et l'engage, de la même façon que l'hommage lie le vassal à son seigneur. Ce vœu, il faut l'accomplir, sous peine d'excommunication. Mais on peut parfois obtenir un délai, pour cause de maladie, etc. Malgré tout, il faut l'accomplir. On pourra par la suite le commuer, c'est-à-dire changer un vœu qui était prononcé pour faire la croisade de Jérusalem et puis qui sera commué pour une autre opération qu'on va aussi appeler croisade, bien que ça n'en était pas vraiment. Le vœu pourra aussi plus tard encore être racheté, ce qui va ouvrir la voie à de multiples abus et à de multiples déviations. Le vœu est limité dans le temps de l'expédition. Ceux qui sont partis pour la première croisade n'ont pas eu de limite de temps. Ça a duré 3 ans, cette affaire. Il n'y avait pas de limite. Par la suite, ça va peu à peu être limité. Et en 2015, au concile de Latran IV, sur lequel je vais souvent rappeler, parce que c'est important, c'est dans ce concile qu'ont été rassemblées toutes les expériences pratiques en un tout un peu cohérent, toutes les expériences pratiques accumulées pendant le siècle précédent, le vœu a été porté à 3 ans. Donc on s'engage à 3 ans, à partir 3 ans. Et il est reçu entre les mains d'un clerc. Et la manifestation publique de ce vœu, qui encore une fois est un engagement privé, c'est la prise de croix. On peut vous lire le temps encore un peu. Oui, quand même, ça commence déjà, le temps commence à courir vite, La façon dont ça s'est fait, c'est un abbé, Martin de Péris, dans la Suisse, dans la région de Bâle, qui prononçait ce sermon en 1201. « Maintenant, frères, prenez le signe triomphal de la croix dans un esprit de joie, en servant fidèlement sa cause. » majuscule, lui qui a été crucifié, vous gagnerez une récompense somptueuse et éternelle pour un travail bref et trivial. Et il donne rendez-vous aux fidèles à la cathédrale, toutes affaires préparées, aujourd'hui, pour prendre avec lui le chemin du Saint-Pèlerinage. Donc, voilà le vœu de croisade qui va s'accompagner très vite de la remise de la croix, de la remise de la croix, qui va être cousue sur l'épaule gauche du pèlerin, du croisé, si vous permettez, qui va être cousu sur son épaule gauche. C'est sur l'épaule gauche que le Christ a porté sa croix pendant la montée au calvaire. Et à cette prise de croix et au cours de cette véritable liturgie de la croisade qui se développe à l'occasion des prédications de croisade, eh bien, on va ajouter, on va associer la remise du bâton et de la besace du pèlerin. Le croisé, guerrier, qui est un guerrier de Dieu, partant pour la guerre sainte, ne cesse pas d'être un pèlerin. C'est toujours cette association, hein, guerre sainte, pèlerinage, qui fait l'originalité de la croisade. Dès qu'il a pris la croix, le croisé va bénéficier de la sauvegarde et de la protection de l'Église, lui, sa famille et ses biens. Il va être exempté de toute perception de redevances et de taxes pendant son absence. Ses revenus vont être protégés pendant son absence. On ne pourra pas exiger de ceux qui restent et qui veillent sur son bien le versement d'un certain nombre de choses. Si vous voulez, on ne pourra pas non plus. On faudra empêcher que ses biens ne soient attaqués, pillés, etc. S'il a emprunté, et notamment aux prêteurs juifs, le service de la dette sera suspendu, mais pas la dette, elle sera remboursée au retour, etc. D'autre part, toutes les violences et toutes les poursuites judiciaires qui pouvaient être engagées contre lui seront interdites et suspendues pendant son absence. La croisade est donc assimilée à une pénitence, et en ce sens, elle équivaut, si vous voulez, en ce sens qu'elle équivalait à la pénitence infligée aux pécheurs pour obtenir ensuite la rémission de ses péchés. Il y a deux phases, il faut bien se rendre compte. Quelqu'un qui a péché, qui a confessé ses péchés, va être soumis à une pénitence immédiate, c'est-à-dire terrestre. Il va devoir accomplir un certain nombre d'actes, en particulier, par exemple, le pèlerinage pénitentiel. Il va devoir partir en pèlerinage. On sait très bien, par exemple, qu'un Fulquenera, comte d'Anjou, est parti trois fois en pèlerinage pour rattraper trois fois les nombreux péchés qu'il commettait. Mais on effaçait la peine, on effaçait les sanctions qu'on pouvait lui infliger, mais il partait quand même dans un pèlerinage pénitentiel. Mais les péchés restaient. Et le pécheur en était toujours comptable, mais cette fois au jugement dernier et devant Dieu. Il y avait les deux niveaux. Donc, la croisade, dans un premier temps, l'engagement en croisade, de la même façon que l'engagement dans un pèlerinage pénitentiel, va entraîner va être l'équivalent de la pénitence du pèlerinage. En partant en croisade, il annule toutes les sanctions terrestres qu'on pouvait lui infliger. Mais il devra continuer à espérer la mansuétude de Dieu au jugement dernier. Certes, la pénitence qu'il aura accomplie facilitera, il y aura intercession, on l'aidera, on essaiera d'intervenir pour lui, mais on ne peut jurer de rien. Et ce qui va se produire, c'est que, évidemment, les croisés, très rapidement, vont confondre les deux. Soit ils l'ont fait exprès, soit ils n'ont pas compris, c'est encore possible, enfin on peut jouer de ça, hein, faire semblant d'être sot, et puis penser que, ça y est, je suis parti en croisade, donc les péchés, débarrassés, tout ça. Non, c'est pas vrai, mais ça va devenir vrai, en ce sens que, au cours du XIIe siècle, et surtout au XIIIe siècle, la papauté elle-même va prendre, l'initiative, non seulement d'annuler les peines terrestres entraînées par les péchés, mais de remettre complètement les péchés. Il va y avoir rémission des péchés. C'est-à-dire que le pape, en vertu du pouvoir des clés, va se substituer à Dieu pour juger le pécheur et juger s'il peut supprimer ou non, effacer de son casier judiciaire les péchés. Donc le croisé n'aura plus besoin d'attendre le jugement dernier, ce qui pouvait être long, pour connaître son sort dans l'au-delà. Il sera rassuré, et comme à la fin de sa vie, en général, devenu vieux, impotent, etc., il y a quand même une plus grande facilité à reconnaître ses péchés et à ne plus en commettre d'autres, surtout, beaucoup vont pouvoir ainsi être rassurés sur leur devenir dans dans l'au-delà. Donc tout cela constitue les privilèges du croisé et ce qu'on appelle l'indulgence de croisade, c'est-à-dire que quand on va lancer une croisade, eh bien le pape va, on va voir comment ça se fait après, le pape va aussi l'assortir de la concession d'indulgence de croisade, c'est-à-dire de cette rémission des péchés pour ceux qui accomplissent cela. C'est là que je saute et que je ne vous parle pas de Saint-Louis ou des croisés de Messine qui partaient pour la croisade de Saint-Louis, qui se sont arrêtés à Messine. Et là, le capitaine de leur bateau a appris que Saint-Louis n'était plus en Égypte, mais qu'il était revenu à Acre. Alors il a dit, je n'y vais pas, je ne veux pas y aller. Il y a eu un procès. Les croisés ont dit, on veut y aller. Et on a une liste des 550 à peu près croisés qui étaient sur le bateau. Ça nous donne un bon panel de la variété sociale, les différences sociales. Il y a de tout le monde, il y a des princes, il y a des seigneurs, il y a des gens du peuple, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des prêtres. On a là un beau panel de ce qu'on pouvait trouver dans une croisade. Quant à Saint-Louis, je n'en parle pas, simplement pour signaler que Saint-Louis, vous savez, a pris la croix à l'article de la mort, ou du moins croyait-il. Mais il n'y avait pas que lui qui y croyait, tout le monde y croyait. Et donc, il a prononcé un vœu de croisade, tout seul, sans attendre que le pape ait convoqué une croisade, d'ailleurs. Et il a guéri. Il a guéri, donc il a dit, il a maintenu son vœu. Aux grandes dames de tout son entourage et de ses conseillers, qui lui disent, pourquoi, c'est pas la peine, on a besoin de toi dans le royaume, etc. Non, il a maintenu son vœu à partir de 1244, et à partir de là, il a préparé une croisade, et il a montré très clairement ce qu'était de préparer une croisade. Il y en a beaucoup de croisés postérieurs, notamment parmi ses fils et petits-fils, Philippe III de Hardy ou Philippe IV le Bel, qui auraient pu prendre des leçons de leur grand-père pour savoir comment on faisait pour organiser une croisade. Mais ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas partir en croisade. Et donc, vous savez que Saint-Louis avait reçu, 9 ans avant ce vœu, il avait reçu solennellement les reliques de la couronne d'épines qu'il avait acheté. C'était le roi de Jérusalem qui n'avait plus de sous, qui bradait ses reliques à ce moment-là. Saint-Louis les lui a rachetées et il a fait construire la Sainte-Chapelle comme un reliquaire gigantesque pour abriter les reliques de la couronne d'épines. Faisant dire à Jacques Le Goff, son biographe, que 9 ans avant de partir en croisade, Saint-Louis a vécu l'extase du croisé. Bon, j'insiste pas sur le personnage de Saint-Louis qui peut représenter en quelque sorte le croisé idéal, celui qui part assez fanatique, assez sectaire, et puis qui, au contact des dures réalités de l'Orient latin, va peu à peu, non pas s'adoucir, mais devenir plus réaliste, et travailler sur place pendant 4 ans pour mettre un peu d'ordre dans la pétaudière qui était devenue le royaume de Jérusalem, sans Jérusalem d'ailleurs, puisque... c'était maintenant Acre qui était sa capitale, Jérusalem ayant été perdue. La croisade, institution et droit de la croisade. Je vous ai dit, et je le répéterai pratiquement à chaque chapitre, qu'Urbain II n'avait pas nommé la croisade, et que cette situation dura longtemps, et qu'on a utilisé pour la nommer d'autres mots qui étaient liés au pèlerinage, au voyage, au cheminement, à la guerre sainte. On parlait de pérégrination, de via, d'iter, voyage, de bellum sanctum, guerre sainte. Et cette situation prolongée d'absence de mots spécifiques pour désigner la croisade a pu être interprétée comme preuve que la croisade, en fait, n'existait pas encore. Que tant qu'il n'y avait pas de nom, elle n'existait pas, que ce n'était pas ça. C'était une espèce on tâtonnait, on expérimentait, on juxtaposait des initiatives un peu dans tous les sens. Bref, aucune cohérence dans la croisade. Et c'est une vue qui a été exprimée en particulier par un historien anglais, Christopher Tillerman, qui dit que, en gros, la croisade n'existe qu'à partir du concile de Latran IV, 1215, au moment où, effectivement, Innocent III... fait adopter au cours de ce concile un article, un canon, le canon 71 des décisions du concile, qui définit un véritable droit de la croisade. C'est la constitution qu'on appelle canon ou constitution ad liberandam au cours de ce concile tenu en 1215. En fait, c'est tout le contraire de ce que pense Tillerman. C'est justement, d'abord parce que la croisade a été, il y a eu cohésion dès le départ. Même s'il n'y avait pas de mots, même si ça allait un peu dans tous les sens, il y a des expériences différentes, il y a eu quand même dès le départ une cohésion qui a été imposée par le pape Urbain II et maintenue solidement par le légat qu'il a envoyé dirigeait la croisade et qui est mort en route, qui s'appelle Adhémar de Monteil. Et ce que cela veut dire, eh bien ça veut dire qu'en fait, la croisade existe dès le début, elle existe à Clermont, et que justement, le fait qu'elle n'est pas nommée, qu'on ne trouve pas de nom pour la nommer, est justement la preuve qu'elle existe et qu'elle est perçue comme quelque chose de complètement nouveau et que pour lequel on n'a pas les outils conceptuels de nom pour la désigner. Et c'est pour ça qu'on se sert à côté, on parle de via, de passage, de choses et d'autres, mais peu à peu, on va en venir à définir plus précisément cet objet historique entièrement nouveau, même s'il est fait d'amalgames préexistants. Donc, la 34, en fait, ne va pas inventer la croisade, contrairement à ce que pense Christopher Tillerman, mais il va théoriser sa pratique depuis un siècle, une pratique qui était une pratique déjà cohérente. L'initiative de la croisade revient au pape. Ça ne s'oubliera jamais. Jamais un prince, sauf Saint-Louis, dans son délire, en 1244, ne prend l'initiative d'engager une croisade seul, sans avoir l'aval ou du pape auparavant. Alors, il a fait couvrir ça par le pape après, qui n'était pas tout à fait d'accord, d'ailleurs, parce que le pape, au même moment, s'occupait de régler son compte à Frédéric II. Il n'avait pas envie de s'embêter avec une croisade sur les bras. C'était autre chose. Mais enfin, bon, c'est le pape qui va lancer la croisade. Cette initiative est marquée par un appel, comme l'a fait Urbain II à Clermont, et une bulle de croisade, un texte qui va en définir les objectifs, les moyens, et qui va convoquer à un lieu et à une date donnée tous les croisés, tous les fidèles à venir se joindre à la croisade. Cette bulle est diffusée dans toute la chrétienté, dans tous les évêchés, et elle est relayée par la prédication, là encore, sous contrôle de la papauté. Il y aura des prédicateurs indépendants, hors contrôle. La papauté n'aime pas trop ça, l'Église n'aime pas trop. Pierre l'Ermite, vous savez, qui a été l'un des, quand même, des chefs spirituels de la première croisade, était un prédicateur indépendant. Il a agi hors du contrôle pontifical. Mais c'est lui qui, sans doute, ayant fait un pèlerinage peu de temps avant l'initiative d'Urbain II, a renseigné le pape sur la situation de Jérusalem au moment où il était en pèlerinage. Et de ce fait, il a bénéficié d'une certaine indulgence de la part d'Urbain II, et il a pu donc se livrer à une prédication sans contrôle. Mais c'est pas tellement accepté. À l'origine, le croisé doit financer sa croisade. C'est lui qui paye. Il doit emprunter s'il le faut et gager cet emprunt sur ses biens, ceci étant malgré tout protégé. Il ne peut rien arriver à ses biens mis en gage pendant son absence. Au niveau de l'aristocratie, on part souvent en groupe. Ce sont des groupes de vassaux. Le seigneur et ses vassaux qui partent. Ça fait partie d'ailleurs de l'aide que les vassaux doivent au seigneur. Ça va être introduit dans l'aide que les vassaux doivent au seigneur. Ils doivent l'aider s'ils se décident à faire la croisade. C'est le seigneur qui paye, qui entretient sa cohorte de vassaux. Mais les petits, les gens du commun qui partent en croisade, savent aussi s'organiser en groupe. On a des confréries qui se forment, comme elles se formaient déjà pour les pèlerinages de Compostelle, de Saint-Jacques à Compostelle. Par exemple, on a l'exemple d'une confrérie de pieux laïcs de Châteaudun qui a rassemblé des fonds pour acheter des armes et pour louer un bateau pour partir avec Saint-Louis en 1247. On a parfois des collectes qui sont faites dans un village, dans un bourg, pour pouvoir payer le départ en croisade d'un ou de deux représentants du village, d'une ou deux personnes des habitants du village. Dans les églises, dans toutes les églises, quand une croisade est prêchée, un tronc pour la croisade va être ouvert et recevoir les oboles des fidèles. Enfin, le concile de Latran IV a pris une mesure grave de conséquence, je l'ai déjà évoqué, la commutation du vœu. Tout le monde pouvait faire vœu de croisade, mais tous ne partaient pas. On sélectionnera ceux qui pouvaient être utiles, et pour les autres, on leur dira, bon, mais c'est bien, vous avez fait vœu, c'est très bien, mais rachetez votre vœu, donnez une somme d'argent pour ceux qui partent, ça sera beaucoup plus utile que vous qui êtes complètement estropiés, malades, etc., qui ne servez à rien, qui n'avez jamais vu une épée et qui fuyez dès que vous voyez une arme, ça ne vous servirait à rien. Donc on obtiendra ainsi de l'argent pour la croisade. Et tout cela ne suffisant pas, on a eu recours à l'impôt. Alors évidemment, princes et rois ont levé des impôts pour... on fait appel à leurs sujets, pas seulement à leurs vassaux. Ça, c'est l'aide féodale, c'est uniquement les vassaux qui sont concernés. Là, par l'impôt, il faut bien distinguer, l'aide féodale, ce n'est pas l'impôt. L'impôt s'adresse à tous, à tous les sujets d'un roi, qu'ils soient ses vassaux ou pas, qu'ils soient sous la coupe d'un autre seigneur comme vassaux ou pas. Bon. Et donc, ces impôts, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, au moment de la Troisième Croisade, vont... les établir sur leur royaume, c'est ce qu'on a appelé la dîme saladine pour financer leur croisade. Saint-Louis fera pareil, lèvera des impôts pour financer sa croisade. La papauté fait aussi un geste. Elle autorise, elle établit au moment de la croisade, du lancement d'une croisade, elle établit des impôts sur le clergé. Le clergé doit participer par une part d'impôt, on appelle ça les décimes, parce que ça représente un dixième, c'est pas la dîme, c'est les décimes, ça représente à peu près un dixième des revenus des clercs pour la croisade. Et on peut dire que Saint-Louis, par exemple, a financé une croisade qui a coûté fort cher, essentiellement grâce aux impôts du clergé. Donc la croisade de Saint-Louis, c'est une croisade financée par le clergé de France, qui n'était pas très content. Bien le dire. Et que Saint-Louis, vous savez, on en fait ce roi dévot, complètement toujours, etc. Saint-Louis était roi, roi. Et donc il savait très bien quels étaient ses droits. Et quand Frédéric II, l'empereur, lui parlait mal, il le renvoyait à l'ascenseur. Et quand le pape faisait des misères, il savait aussi lui tenir tête. Donc il ne faut pas oublier que le roi Saint-Louis, malgré toute sa piété, malgré toute sa foi vive et sincère, était aussi un roi efficace. Alors, évidemment, ce qui s'est produit avec les impôts pontificaux et avec les décimes pontificales, c'est que pour inciter les princes à participer à la croisade, on leur a concédé le produit des décimes. Alors, dans un premier temps, ça a marché, ils sont partis, puis après, ils ont dit « Ah oui, mais là, je ne peux pas partir parce que j'ai un truc ici et les décimes, je vais m'en servir pour ça. » Philippe le Bel a reçu ainsi 6 années de décimes pour faire la guerre au roi d'Angleterre, duc de Guyenne, ou au comte de Flandre, son vassal insubordonné. Et pendant ce temps-là, il a dit « Oui, mais la prochaine fois, je ferai la croisade, mais n'en faites pas. » Donc, vous voyez, tout ça, ça va constituer... cet ensemble de mesures, la bulle de croisade, la prédication, les privilèges, le financement, tout ça rassemblé dans à la 34, va constituer un véritable droit de la croisade qui a été forgé en 1215 au Concile de Latran dans la perspective d'une croisade à venir, décidée dès 1213 et que le Concile de Latran avait aussi pour mission de préparer ou du moins de parachever ses préparatifs. C'est pas une théorie en l'air, c'est pratique, c'est adapté à une situation réelle, c'est la préparation de la cinquième croisade. Alors, à partir de là, il était bien évident qu'à partir du moment où vous avez défini des institutions de croisade, des règles de la croisade, toute une série de choses, il était facile d'appliquer ce droit de la croisade, d'engager ces institutions de croisade sur d'autres terrains que la Terre Sainte et la défense de Jérusalem. Jérusalem qui, d'ailleurs, a été reconquise par les musulmans en 1187 et qui, hormis un court passage entre 1229 et 1244, ne sera plus jamais aux mains des chrétiens. Le royaume de Jérusalem, au XIIIe siècle, a comme capitale Acre. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi quelquefois le royaume d'Acre. Mais avant de voir cette extension de la croisade, il faut... en revenir, il faut faire un peu sur les pratiques de celle-ci, les pratiques de la croisade en Terre Sainte, et sur un certain nombre d'aspects qu'elle a revêtus en Terre Sainte. Disons, voir un peu la Terre Sainte au temps de la croisade, qu'est-ce qui s'y passe? Normalement, c'est ça. Il n'y aura pas tout. On va surtout s'occuper des autres, et puis le reste, ça serait juste évoqué. où ça sera mêlé. Car les croisés vont évidemment, en arrivant, ils ne sont pas arrivés dans un... Ce n'est pas un désert, hein, même s'il y a du désert pas très loin en Mésopotamie et autres. Ils ne s'arrivent pas dans un désert. Il y a des États musulmans et ils vont être confrontés aux autres, amis ou ennemis. Les autres et la croisade, aussi, les autres, ils voient arriver ça sur le dos. Ils vont se demander ce qui leur arrive. Et après avoir subi la chose, ils vont réagir. Mais la croisade n'a pas été seulement affrontement, violence, intolérance. Elle n'a pas été seulement un repoussoir, ça serait trop simple. Il faut bien voir que la croisade est d'abord un fait religieux né en Occident. Ce n'est pas une entreprise de conquête du monde. Le but initial, c'est Jérusalem, c'est pas conquérir tous les territoires de l'islam, c'est pas éradiquer l'islam. Grégoire VII discutait avec l'émir de Bougie, au-delà de l'autre côté de la Méditerranée, pour nommer des évêques sur les sièges de Bougie et des sièges épiscopaux d'Afrique du Nord. Innocent III a proposé un véritable modus vivendi au sultan Al-Adil en 1213, avant de lancer, au moment où il lançait la cinquième croisade. Frédéric II était en relation épistolaire et intellectuelle avec le successeur d'Al-Adil au Caire, Al-Malik. Reste que le premier contact a été violent. Ville prise, ville détruite, les mâles sont massacrés et les femmes sont violées. Ça, c'est la règle. Partout, d'ailleurs, sur tous les champs de bataille du monde à l'époque. Le fait que ça soit pareil partout ne change rien au fait. Les croisés sont quand même des intrus, sont des envahisseurs pour les musulmans qui les reçoivent, entre guillemets. Des barbares pour les Grecs qui les voient passer avant de les subir. Mais la croisade s'installant, les États latins s'organisant, on en vint à des relations, disons, plus policées, sinon plus apaisées. Les Grecs de Byzance, par exemple, attendaient une aide militaire, mais pas des croisés hirsutes et violents qui pillaient un peu partout, faute de moyens, et qui n'ont fait d'abord que passer à Byzance. Parce qu'eux, ils ne se sont pas arrêtés pour soutenir l'Église byzantine. Ils allaient droit à Jérusalem. Ils avaient retenu du discours de Urbain II, c'est pour ça que la réponse est importante, ils avaient retenu Jérusalem. Le passage à Byzance, bon, il fallait bien passer par là, mais ce n'était pas pour s'arrêter, pour se battre au profit de l'Empire byzantin. Ils étaient pleins de mépris, ces croisés, pour les femmelettes de Byzance. Les Grecs avaient très mauvaise presse, ils étaient efféminés, etc. Bon. Et les Grecs, eux, par ailleurs, condamnaient cette guerre de Dieu, puisque c'était comme ça que ça se présentait. À Byzance, c'est César, c'est l'empereur qui décide et qui conduit la guerre. Même si les affrontements en Asie mineure avec les musulmans, les voisins musulmans au XIe siècle ont commencé à changer un peu les perspectives et à faire penser aux Grecs que, parfois, si on pouvait se faire aider par Dieu, ça serait peut-être plus efficace. Mais en 1204, évidemment, je vais revenir là-dessus, sur la croisade déviée sur Constantinople et qui s'est traduite par la prise de Constantinople et l'établissement d'un État latin de Constantinople, je ne pense pas que ça a été décisif, mais ça a été simplement confirmatif d'une rupture avec les Grecs qui existait déjà. Je ne vais pas indiquer au début, j'aurais dû, mais depuis 1054, avant la croisade, donc, il y a un schisme entre l'Église byzantine et l'Église romaine. Les Grecs, le patriarche de Constantinople, ne reconnaît plus l'autorité du pape de Rome. Et ce schisme, bon, on l'a pris un peu à la légère, il y en avait déjà eu avant, et on se pensait que ça finirait bien par se résoudre un jour. Malheureusement, ça ne s'est pas résolu. Et ça dure toujours. Donc, pour les Grecs, les croisés, ce n'est pas vraiment ce qu'ils attendaient. Ils sont quand même très inquiets de leur passage. Quant aux musulmans de Syrie, eh bien, les Fatimides d'Égypte, qui avaient repris le contrôle de Jérusalem, quand ils ont entendu des nouvelles de l'arrivée des croisés, ils se sont dit « Bon, ça va se passer comme au temps, comme dans les relations avec les Grecs. Il y avait des luttes continuelles, des luttes de frontières. Il y avait une frontière entre l'Asie mineure grecque et puis les États musulmans. » Bon, on avait l'habitude de se combattre, de se rabibocher, l'habitude de lancer des... Bon, on était dans une situation de frontière, un peu comme en Espagne, au même moment, entre les royaumes chrétiens et les royaumes musulmans de Taïfas. Mais là, ils ont vu arriver des croisés qui, quand on les a contactés pour voir si on pouvait s'entendre, on dit non, nous on va à Jérusalem, on veut Jérusalem, c'est tout, bon, on discute pas. Donc ça les a un peu surpris, ils ont été un peu... Bon. Et puis ils ont subi, ils ont été battus, et la ville a été prise, dans les conditions que l'on sait. À l'époque, on appelle, dans les sources arabes, ces nouveaux venus qui arrivent, à ce moment-là, on les appelle toujours du nom de Roumi, les Romains. Les Romains, c'est les Grecs, parce que l'Empire byzantin se veut l'héritier de l'Empire romain d'Orient. Les Byzantins ne se nomment pas Empire byzantin, ils se nomment Empire romain. Et les habitants de l'Empire romain sont les Roms, les Roumis. Et les musulmans les appellent comme ça. Pourtant, très vite, certains esprits éclairés ont compris qu'ils avaient affaire à quelque chose de différent. Et c'est le cas d'un juriste de Damas, Al-Sulami, qui est le premier à parler de Francs, et non plus de Roumis, les Ifranges, les Francs, donc à bien distinguer que ce n'est pas les Grecs, c'est pas aux Grecs qu'ils ont affaire, c'est à d'autres, et qui est le premier à discerner le motif religieux de l'invasion des Francs. Donc c'est très vite, c'est 1105. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas réfléchi des années et des années. Très vite, ce juriste a compris. Et il s'est rendu compte donc que l'objectif premier des Francs était religieux, que c'était Jérusalem, et que, sorti de là, il n'y avait pas moyen de discuter avec les Francs. Et lui aussi, il a cherché un mot pour désigner cette opération. Comme Urbain II, il a cherché un mot. Évidemment, qu'est-ce qu'il a trouvé comme mot? Un mot qu'il connaissait bien, c'est le djihad. Puisque c'est dans un traité du djihad qu'il fait ses réflexions sur sur l'arrivée des Francs. Donc, c'est un traité sur le djihad, donc, dans lequel il dit, oui, c'est les Francs, c'est un peu ça, ça ressemble à notre djihad à nous. Alors, il y a des points communs et bien des parallélismes entre les écrits d'Al-Sulami et les écrits sur la croisade que peuvent faire les chrétiens au même moment. Par exemple, Al-Sulami écrit « Sans le djihad de l'âme », c'est-à-dire le grand djihad. Le djihad de l'ennemi, le petit djihad, c'est-à-dire l'opération armée contre l'ennemi, n'est rien. Parallèlement, vous avez les théologiens chrétiens qui écrivent « Sans la contrition du cœur, sans la conversion de l'âme, la croisade n'a pas lieu d'être, car elle ne mènera pas au salut. » C'est pareil, c'est le même, c'est les mêmes dispositions. Avant de s'engager dans la guerre de Dieu, parce que c'est pareil des deux côtés, eh bien, il faut s'être confessé, il faut avoir s'être lavé de tous ses péchés, et il faut y aller sans esprit de lucre et sans appât du gain, sans esprit de lucre. Donc, les Francs s'installent, deviennent moins brutaux. Les principautés turques ou arabes qui se partagent la Syrie à l'ombre du califat n'hésitent pas d'ailleurs à utiliser les Francs et à faire alliance avec certains contre leurs adversaires musulmans qui font eux-mêmes alliance avec d'autres Francs. On aura ça dès les années 1110, 10 ans après la prise de Jérusalem. Dans ces conditions, et c'est un autre parallèle avec la croisade, avant de penser à mettre dehors les Francs, il fallait unir les musulmans. Ainsi, le djihad s'exerça-t-il d'abord entre musulmans. Nour al-Din, après 1150, Saladin, son successeur, ont d'abord fait le djihad contre leurs opposants musulmans. Et après seulement, on s'est occupé des Francs. Et de la même façon, en Europe, l'idée est qu'on ne peut pas faire la croisade si on est divisé, si on part divisé. Avant de partir en croisade, avant de lancer une croisade, il faut pacifier l'Occident, il faut rétablir la paix entre les princes quand ils se chamaillent, etc. Et c'est le rôle du pape aussi, avant de lancer une croisade, de s'assurer que ceux à qui il va s'adresser sont en paix. Il y a eu, donc, deuxième chose qu'il faut... Troisième, je ne sais plus où j'en suis là-dessus, coexistence dans les États latins entre les nouveaux venus et ceux qui y étaient déjà. Et dans les États latins, ceux qui y étaient déjà, c'était soit des musulmans, soit des chrétiens orientaux. Il y avait à l'époque encore une forte minorité, peut-être même dans certains coins une majorité de chrétiens orientaux, qui n'étaient pas tous soumis à Rome, hein, qui étaient quelquefois considérés comme hérétiques, d'autres fois comme schismatiques, mais qui étaient quand même des chrétiens. Alors, très vite, les francs du royaume dans les États latins vont adopter une attitude face aux infidèles ou aux chrétiens d'Orient, une attitude qui va être finalement une attitude de laisser les choses telles qu'elles sont. On ne les convertit pas de force, c'est en fait un principe commun aux trois monothéismes, principe qui a quelquefois quelques manques, comme tout principe, quelques exceptions. Les latins, sur le plan religieux, ont laissé les choses en l'état. Cela vaut pour les musulmans, cela vaut pour les chrétiens orientaux. Peut-être considérés comme hérétiques, les monophysites par exemple, peuvent être considérés comme hérétiques par Rome, à Jérusalem et dans les États latins, on ne s'occupe pas de ça. Et si on a besoin d'un prêtre pour l'extrême onction et qu'on n'a pas un bon latin bien fidèle au pape sous la main, eh bien on prend le prêtre d'à côté, hein, même s'il est soi-disant hérétique. Sur le plan quotidien, la guerre n'est pas permanente. Elle n'a pas lieu partout en même temps. Il y a de longues périodes de trêve et de paix. La paysannerie musulmane, comme la paysannerie chrétienne, a changé de maître, mais pas de situation. Là encore, les chrétiens se sont installés, les seigneurs chrétiens ont pris le contrôle des domaines, etc. Et puis, ils ont nommé un raïs musulman en terre musulmane ou un raïs chrétien là où il y avait des chrétiens en disant tu t'occupes des paysans, il y a des redevances, il y a des choses comme ça, faut que ça rentre comme d'habitude, c'est à toi de t'en charger. Donc ça ne change pas grand chose pour les populations locales. Les caravanes passent et gagnent les ports de la côte orientale de la Méditerranée, Acre, Tyr, Sidon, Tripoli, réceptionnent les marchandises venues d'Orient comme Alexandrie. De la même façon qu'Alexandrie est un nœud du commerce méditerranéen. Enfin, la Terre Sainte des Croisades a été une terre d'échanges culturels. Contrairement à une tradition historique tenace, qui ne voit ces échanges qu'en Espagne, Tolède, bien sûr, ou en Sicile, eh bien, la Terre Sainte est en général négligée. Comment pourrait-il y avoir des échanges culturels dans cette terre où on se bat sauvagement ? Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu autant d'échanges culturels, ça, si on voulait compter, rassembler tout ça et ne pas être omnubilé par le tropisme Tolède, qu'il y a eu autant d'échanges culturels, de traductions en Orient, en Terre Sainte, qu'en Espagne en particulier. On dit toujours que l'Occident a connu les Grecs, hein, les penseurs grecs de l'Antiquité, grâce aux traductions en arabe, faite, connue à Tolède et retraduite en latin par l'intermédiaire de traducteurs juifs. Donc vous voyez, on avait une traduction du grec en arabe, l'arabe était retraduit en hébreu et de l'hébreu en latin. Autant vous dire que pour un éditeur critique de notre temps, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le résultat. Mais le problème, c'est que on ne voit pas le cas de la situation en Terre Sainte, c'est qu'en Terre Sainte, il y avait aussi des traducteurs, il y avait aussi des traductions arabes qui ont été connues par les latins et qu'ils ont retraduit en latin, de la même façon que... Mais il y avait aussi un accès direct aux Grecs. Antioche, 40 ans avant l'arrivée des croisés, était encore grec. Et Antioche est restée une ville grecque et arménienne, sous la domination des croisés. Donc, on avait des manuscrits grecs, on avait des textes grecs qu'on pouvait connaître directement. Et il y a, par exemple, un Emery de Limoges, le patriarche d'Antioche, de 1139 à 1196, celui qui a eu le malheur, au milieu de sa carrière de patriarche d'Antioche, d'entrer en conflit avec le Renaud de Châtillon, un temps prince d'Antioche, qui l'a puni en l'enterrant vivant jusque-là, en plein soleil, avec du miel sur le sommet du crâne pour attirer les guêpes et les mouches, et qu'il a laissé là des heures durant. Il a survécu, mais il s'en est rappelé. Eh bien, cet Emery d'Antioche a été en fait au cœur d'un réseau d'échanges qui associait des Grecs, des Arméniens, des Latins et des Arabes, et il a pu ainsi faire produire des traductions et des écrits. Donc il y a eu des échanges féconds également pour la médecine, quoi qu'on en dise. Bon, tout le monde cite ce texte célèbre, mais un peu unique, et donc de ce fait, non pas suspect, mais qui doit quand même attirer l'attention, disant attention, c'est qu'un seul texte, pour voir ce qu'il y a ailleurs, ce fameux texte d'Uzama, un prince syrien au temps des croisades, qui dit pique-pendre de la médecine des latins, hein, qui, au lieu de vous soigner avec un comprimé d'aspirine, vous coupe la jambe et vous laisse mourir parce que ça s'infecte, etc., etc. Alors, c'est vrai que la médecine arabe avait davantage, était bien plus avancée que la médecine occidentale, mais celle-ci n'était pas aussi, aussi primitive que ne l'a dit Uzama. Faut pas oublier que, quand même, parmi les croisés, il y avait des Normands de Sicile et d'Italie du Sud, et que l'école de Salerne, de l'université de Salerne en Italie du Sud, était quand même une école, une université qui avait une certaine qualité, une certaine réputation. Et donc, il y avait des médecins qui avaient une certaine formation. Et il ne faut pas oublier que les croisés de la première croisade sont partis avec des médecins, hein, des femmes en particulier, médecins. Bon, ça valait. Les chirurgiens étaient peut-être un peu brutaux, un peu rapides, mais il y avait dans les croisés de la première croisade de nombreux médecins et chirurgiens, et ils ont eu du travail. Donc, la croisade n'a pas été que fanatisme et violence, elle a été aussi moyen d'échange et de connaissance de l'autre. Bernard Hamilton, qui est un historien anglais, qui a fait remarquer avec humour, mais ça c'est l'humour avant Brexit, hein, que la croisade avait permis à un très grand nombre de chrétiens de toute classe et de toutes conditions, chevaliers, clercs ou roturiers, de se frotter à l'autre, musulmans, juifs, chrétiens, oriental. Beaucoup d'occidentaux ont connu le monde, l'autre, si vous voulez, le monde des musulmans, etc., grâce à la croisade. Et on peut dire aussi, c'est dit partout, même dans le Partifal de Wolfram d'Eschenbach, que les combats sont aussi un moyen, disons, de se faire des copains. Hein. Donc c'est aussi une forme de relation, hein, et d'échange. L'échange de nions et de coups avec l'autre est aussi un échange. Hein. Quand ça ne conduit pas, il y avait des rencontres, des joutes entre chevaliers chrétiens et chevaliers musulmans au pied du Mont Carmel, près d'Acre, au moment des croisades. Donc, faut rappeler aussi, pour terminer sur cette partie, il va falloir aller accélérer un peu pour atteindre la fin, que c'est en Orient aussi qu'au milieu du XIIIe siècle, un pape qui était farouchement crusadiste, je dirais, Innocent IV, et qu'un roi qui passait pour étroitement dévot, Saint Louis, ont jeté les bases d'une action missionnaire pas incompatible avec la croisade. Le docteur des missions, celui qu'on a appelé le docteur des missions, le catalan Raymond Loul, qui fut un ardent militant de la mission pacifique, ne l'opposait pas à la croisade, parce qu'il savait très bien que si l'on voulait prêcher, aborder les musulmans, il fallait qu'ils soient sous votre autorité. S'ils étaient sous l'autorité d'un pouvoir musulman, on ne pouvait pas leur prêcher le christianisme. Ça pouvait aller, les échanges en disant du genre « c'est comment chez toi l'islam, alors vous faites ça, bah, nous on fait ça, nous, alors là ça allait, on pouvait des conversations entre élites, là comme ça, tant que c'était comme ça sur cette échange, nous on a ça. » Mais à partir d'un moment où il y en a un qui disait « mais ton Dieu là ça vaut rien, c'est le nôtre qui compte », alors là c'était fini, et puis il n'y a plus de dialogue possible. Donc si on voulait pouvoir accéder à prêcher auprès des musulmans, il fallait qu'ils soient sous contrôle. Comme ça, ils ne pouvaient pas se rebeller, ils ne pouvaient pas vous envoyer, vous faire martyr. Alors, ce n'était pas opposé à la croisade. Mais il y a eu aussi toute la mission vers les terres mongoles. Parce que finalement, la seule région du monde qui, dans la première moitié du XIIIe siècle, pouvait être considérée comme une terre tolérante, presque au sens voltairien du terme, positif du terme des Lumières, et non pas au sens classique de tolérer, hein, on tolère ce qu'on ne peut pas empêcher, eh bien, la seule terre réellement un peu tolérante, c'était les Mongols. C'était en Mongolie. Gengis Khan était sans doute plus tolérant que beaucoup de princes et papes chrétiens ou calife musulman de l'époque. Pourquoi ? Ben parce qu'il voulait la paix dans ses états, il avait tant de religions, il ne voulait surtout pas d'histoire, hein, que tout ça, ça se passe bien, donc pas de bagarre, et vous êtes chrétien, vous le restez, vous n'allez pas embêter les musulmans, et puis vous non plus, vous n'allez pas embêter les chrétiens. Hein. Donc tout se passe comme ça. Moi je suis chamaniste, ma fille elle est chrétienne, l'autre il est converti à l'islam, ça le regarde, c'est pas mes oignons. Bon. Donc en Mongolie, il y a eu toute une expérience de la mission, c'est-à-dire la prédication pacifique, qui a pu ensuite être reprise pour les terres d'islam, mais avec ce problème, c'est qu'en terres d'islam, on n'a pas le même point de vue que les camps mongols qui disent « bon, faites ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas de désordre ». Voilà, il faut rappeler que, pour terminer là-dessus, qu'en 1312, au concile de Vienne, le concile qui a supprimé l'ordre du Temple, eh bien, le Concile de Vienne a aussi adopté un certain nombre de canons destinés à encourager le développement, l'usage et l'enseignement des langues orientales dans hébreu, arabe et chaldéen, c'est la langue des chrétiens orientaux, dans les universités de Paris, Bologne, Salamanque et Oxford. J'en viens maintenant à un dernier aspect. L'élargissement du champ de la croisade, je terminerai là-dessus, en espérant ne pas prendre trop de temps quand même. Au terme, si vous voulez, de ce panorama que j'ai essayé de... incomplet que j'ai essayé de brosser de la croisade, des différents aspects de la croisade, eh bien, il faut essayer de voir ce qui a été à quel territoire, en dehors de la Terre Sainte, la croisade s'est-elle appliquée, ou ce qu'on appelle la croisade s'est-elle appliquée. En 1215, au concile de Latran, l'expression « crucé signatus » est utilisée pour la première fois comme substantif. Et c'est à ce moment-là que le crucé signatus devient le croisé en vernaculaire. Ça n'empêchera toujours pas d'ailleurs les chroniqueurs de continuer à parler de pèlerins, hein, pour désigner un croisé. Et les rédacteurs d'actes de toutes sortes qui font des donations à une abbaye ou à une commanderie du temple pour la croisade, pour le secours à la croisade, de continuer à utiliser le mot pèlerin peregrinus. Mais ce concile qui ponctue le pontificat de Lyon 103, qui va mourir dès la fin du concile en 1216, conclut en fait un pontificat qui a été marqué par 4 croisades. Que je mets entre guillemets. 4 croisades, dont 2 sont dirigées vers la Terre Sainte, même si l'une a été déviée, je vais y revenir, et 2, pas du tout. L'une contre les hérétiques albigeois, et l'autre, la première croisade que Innocent III a prêchée en 1199, contre ses adversaires, chefs de garnison allemande, dans le royaume de Sicile. Qui tenait le pays en coupe réglée et qu'il voulait éliminer. Donc ça pose problème. Est-ce que la croisade est limitée à la Terre Sainte ou pas ? Alors je vais poser les différentes questions. Est-ce que la croisade est un négocium, pour reprendre l'expression consacrée, un négocium contre les infidèles, contre l'islam ? Je dirais oui, mais les infidèles, ce sont les musulmans. Les musulmans qualifient les chrétiens aussi d'infidèles. Comme ça, tout le monde est d'accord, on est d'infidèles des deux côtés. C'est faux, mais enfin, c'est comme ça. Les musulmans, on les combat en 2 endroits, en Terre Sainte, mais aussi en péninsule ibérique. En péninsule ibérique, c'est la Reconquista, la reconquête, amorcée dès le 8e siècle, et puis qui a pris un peu son élan au 9e, 10e et 11e siècle. Donc, bien avant la croisade. Et malgré l'historiographie traditionnelle espagnole, qui est en train d'ailleurs de changer fort heureusement, la Reconquista n'est pas une croisade. Si on en croit l'historiographie traditionnelle, dès qu'un roi chrétien a fait un petit raid en territoire musulman, il a fait une croisade. Alors évidemment, comme ça, il y a des croisades tout le temps. Pas d'initiative pontificale, pas de pèlerinage, pas de pénitence. La Reconquête, c'est une opération menée par des princes, par des petits royaumes qui vont s'agrandir à partir des Pyrénées pour reconquérir du territoire aux dépens des petits royaumes. Résultat de la décomposition du califat de Cordoue, c'était le troisième califat de l'islam, des petits royaumes musulmans qu'on appelle les royaumes de Taïfa. Mais avec le développement de la croisade d'Orient au XIIe siècle, les institutions de croisade, par exemple l'indulgence de croisade, va pouvoir être appliquée. Et les papes vont concéder, à la demande souvent des rois, qui pour essayer d'encourager la mobilisation, vont demander au pape de reconnaître l'entreprise de reconquête qu'ils entreprennent à tel ou tel endroit du royaume, ici en Léon, là en Catalogne, etc., vont demander au pape d'accorder des privilèges de l'indulgence. Et le pape y répondra favorablement, mais en prenant bien soin de souligner qu'il accorde l'indulgence à ceux qui vont s'engager dans les combats menés par le roi machin ou par le roi truc, il accorde l'indulgence de la même façon comme s'ils allaient à Jérusalem. La distinction est toujours faite et la référence à Jérusalem existe. On accorde l'indulgence de croisade, hein, qui est normale pour Jérusalem. On veut bien la concéder à des opérations qui ne sont pas jugées comme des croisades, mais on le souligne bien, c'est comme si on allait à Jérusalem. Donc, c'est souligner que, quoi qu'en dise encore une fois l'historiographie espagnole, eh bien, il n'y a pas les croisades d'Espagne, ça n'existe pas, c'est simplement des opérations de guerre sainte ou de reconquête, parce que l'idéologie de la reconquête, c'est pas l'idéologie de la croisade, c'est pas pareil, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même signification, ça n'a pas le même objectif. Et ce sont des opérations de guerre sainte, même si elles ont été enveloppées à certains moments de certains privilèges de croisade. Mais par exemple, jamais en Espagne, les gens qui vont s'engager dans des opérations de la reconquête, même assorties de l'indulgence de croisade, ne feront le détour par Compostelle pour faire le pèlerinage. Alors que tout croisé qui va en Terre Sainte fait le détour par Jérusalem, et quand il ne peut, pour prier au Saint-Sépulcre, et quand il ne peut plus aller à Jérusalem parce que les chrétiens ne contrôlent plus Jérusalem, il fait les détours par les sanctuaires de substitution qu'on a installés un peu partout à Acre et ailleurs. Hein. Mais jamais en Espagne, on a vu quelqu'un faire le détour pour aller à Compostelle. Le théâtre de la croisade, c'est donc le combat pour la récupération et la garde de la Terre Sainte et Jérusalem. On ne combat pas en fait l'islam en tant que tel, on combat en Terre Sainte pour garder, sauvegarder Jérusalem. En 1213, Innocent III publiait la bulle de croisade Quia Major qui va entraîner la cinquième croisade. Eh bien, peu avant, il avait écrit au sultan d'Égypte Al-Adil, frère de Saladin, et l'invitait à la paix. Voilà ce qu'il lui disait. Quelques phrases. Ça montre tout de suite Il lui disait ceci. Il lui demandait simplement de restituer cette terre, la Terre Sainte, parce que ça, c'était un dû à la chrétienté, hein, c'était une récupération, c'était chrétien, bon, il n'y avait pas à discuter là-dessus. Bon, il lui demandait simplement, tu nous rends la Terre Sainte, tu nous rends Jérusalem et la Terre Sainte, pour que l'occupation de celle-ci ne soit pas l'occasion de nouvelles effusions de sang humain. Quand tu l'auras rendue et que, de part et d'autre, on aura libéré les captifs, nous mettrons en oubli tous les griefs que ces combats ont fait naître, en telle manière que la condition de ceux de nos concitoyens qui habitent dans ton pays ne soit pas plus mauvaise que celle de tes concitoyens dans le nôtre. En gros, si on interprète bien ça, c'est dans les termes de l'époque, et Innocent III ne va quand même pas utiliser d'autres vocabulaires, mais en gros, nous, ce qu'on veut, c'est Jérusalem et la Terre Sainte, le reste, tu le gardes. Et puis, comme ça, il y a la paix. Les musulmans traitent les chrétiens en protégés, c'est le statut de Dhimmi. Ben, nous, on fait pareil à Jérusalem, les musulmans pourront faire, etc. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas vraiment d'une guerre de religion, d'une guerre contre l'islam, encore moins d'une guerre de conquête. Il ne s'agit pas d'aller conquérir les terres de l'islam. Ce n'est pas une entreprise coloniale de type 19e siècle. C'est une entreprise dont le but restera toujours, même s'il y a des déviances, s'il y a des choses à côté, restera toujours en principe, en droit, la possession par les chrétiens d'une ville qui est la ville du Christ et qui donc doit leur revenir. Est-ce que c'est une entreprise contre les païens? D'abord, qui sont les païens? Qu'est-ce que c'est que les païens? Ben, les païens, ce n'est pas les infidèles musulmans. Les païens, ce sont les peuples de l'Europe centrale et orientale, les Slaves, les peuples slaves et des peuples prusses. Depuis longtemps, les princes allemands mènent des opérations, des expéditions vers l'Est, le Drang nach Östern, qui combinent des incursions militaires, la conquête et la colonisation rurale et la conversion de ces peuples païens au christianisme. Au XIIIe siècle, une fois qu'ils se sont installés en Prusse, dans les années 1220-1230, l'ordre des Teutoniques, né en Terre Sainte, va monopoliser ce qu'on appelle la guerre missionnaire, c'est-à-dire une guerre incessante contre les païens avec pour objectif de les convertir. C'est eux, c'est l'ordre teutonique, et non plus les évêques, qui en principe sont en charge de l'évangélisation et de la conversion, qui vont se voir accorder par le pape la mission, la charge de la mission. Mais ce n'est pas la croisade, même si, de temps en temps, parce que cette guerre missionnaire, elle est permanente, elle est menée par l'ordre teutonique en fonction de ses intérêts propres, en fonction des conditions propres. Mais de temps en temps, ils font appel aux princes allemands et au-delà à d'autres pour venir les aider dans leurs tâches. Et donc là, ils réclament, pour ceux qui viennent les aider, les privilèges de croisade. Alors, est-ce que ce sont des croisades de Prusse, comme on l'a dit ? Non, ce sont des opérations qui sont habillées des oripeaux de la croisade pour aider l'action principale, qui est celle de la croisade missionnaire des Teutoniques. La croisade est-elle une entreprise contre les schismatiques ? C'est qui les schismatiques ? Ben, ce sont les Grecs, depuis 1054, c'est-à-dire des chrétiens. Peut-on faire la croisade contre des chrétiens ? En principe, non. Et pourtant, en 1202-1204, il y a une croisade qui s'est égarée du côté de Constantinople et qui a abouti à la prise de Constantinople. Alors, croisade prêchée en 1202, préparée par les croisés eux-mêmes qui ont été négociés avec Venise, qui se sont fait avoir d'ailleurs par les Vénitiens. Et les croisés se sont trouvés en situation financière délicate face à Venise. Ils n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Et donc, Venise leur a offert d'aller aider l'empereur grec, menacé par un de ses parents sur le trône de Byzance, à les aider à le rétablir. Ça serait plus facile d'avoir un empereur grec copain qu'un empereur grec hostile. Bon, on ne croit plus trop au complot vénitien qui aurait peu à peu amené les croisés ainsi, de façon à conquérir Constantinople au profit de Venise et de son expansion commerciale. Mais enfin, il y a quand même doute encore sur la question. Il faut bien dire de toute façon que la mésentente, la méfiance, l'animosité qu'il y avait entre les Grecs et les Latins depuis le début des croisades, ça remontait même avant, ne pouvait pas ne pas entraîner quelques dérapages. Et la quatrième croisade en fut un. Pas un petit dérapage, un gros dérapage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, de fil en aiguille, comme ça, de concession, on va aller aider l'empereur grec. Ah, mais l'empereur grec, il a été renversé par son adversaire, donc on n'a plus sous la main l'empereur Potiche, donc on va aller le rétablir par la force, et on prend Constantinople une première fois en 1203, et puis, comme il y a un nouveau coup de une révolte byzantine, ça, on reprend Constantinople en 1204, puis cette fois, on s'y établit, hein, on supprime l'Empire byzantin, on établit le royaume latin de Constantinople et quelques États à côté. Et il y a donc là une véritable déviation. Beaucoup de croisés de cette quatrième croisade n'ont pas été à Constantinople, sont partis avant, n'ont pas voulu y aller et sont partis directement en Terre Sainte. À toutes les étapes de cette croisade, il y a eu des départs de groupes, etc. Mais le pape a été trompé par ses légats, il a été mal informé, il a condamné d'abord, puis après il s'est dit, ah ben, dans le fond, ça peut être utile, tirons d'un mal un bien, ça rétablit l'unité de l'Église, ça met fin au schisme, du moins le croyait-il. En fait, ça a approfondi le schisme, et la déviation est passée par profit plutôt que perte aux yeux du pape. Et l'on continua par la suite à prôner la croisade contre les schismatiques grecs, mais on n'a pas été prié à Sainte-Sophie. On a pillé Sainte-Sophie et on a transporté en Orient l'immense quantité de reliques qu'il y avait à Constantinople. Constantinople, c'est le grand marché à reliques de la chrétienté de ce temps. L'entreprise contre les schismatiques n'est donc pas une croisade. C'est une déviation et ressentie comme telle. Croisade contre les hérétiques, alors ? Alors, on en vient, évidemment, à un degré en plus. Chrétien aussi, mais hérétique. C'est pire que schismatique. Schismatique, c'est une question de discipline, bon, ça peut se régler. Les hérétiques, c'est des questions de foi. C'est des questions de croyances différentes. Ça apporte atteinte à la foi et à l'unité de l'Église. Et c'est dans le midi de la France que les progrès effrayants de l'hérésie dite cathare, en fait probablement des mouvements évangéliques qu'on trouvait un peu dans toute l'Europe, qui ont été habillés des oripeaux du manichéisme par l'Église pour mieux discréditer le mouvement, eh bien c'est le développement de cette hérésie invite le pape, après le meurtre de son légat en 1208, légat qui assurait la prédication contre les hérétiques, à prendre directement les choses en main et à lancer un négocium, c'est le mot qu'il utilise tout le temps, hein, le pape Innocent III, hein, mais c'est le négocium Pacis et Fidei, l'affaire de la paix et de la foi. Il utilisera aussi l'expression de bellum sanctum dans l'affaire de l'Église de Dieu. Il s'adresse aux fidèles. Il fait assurer la prédication par ses légats, il y a prise de croix par ceux qui ont fait vœu, et il y a concession d'indulgence. Mais la croix sera portée sur la poitrine et non pas sur l'épaule gauche, hein, du Christ, il faut bien distinguer, et le vœu se limitera à 40 jours. C'est le vœu, c'est l'engagement du vassal auprès de son seigneur. Le vœu de croisade est limité à 40 jours. C'est l'équivalent, si vous voulez, de l'engagement vassalique, c'est-à-dire un engagement gratuit. Hein, c'est vous qui, pendant 40 jours, c'est gratuitement. Alors après, on peut rester, à condition d'être payé par le Seigneur. Au Concile de Latran IV, la question de la guerre contre les hérétiques est traitée non pas dans le grand article, le grand canon qui traite de la croisade en Terre Sainte, mais dans un article à part, consacré uniquement à cette question, hein, différente du négocium de la croix qui est engagé en Terre Sainte. Donc, ce qui est engagé en Languedoc, hein, c'est une guerre sainte, c'est pas une croisade. Et si Innocent III utilise les institutions de croisade pour renforcer l'efficacité de la guerre de Dieu pour expulser les hérétiques de Provence, il sait quand même faire la distinction entre les deux. Enfin, dernier exemple, guerre contre les adversaires de la papauté ? Eh bien oui, au XIIIe siècle, il ne faut pas oublier que la papauté est à la tête d'un État. Le patrimoine de Saint-Pierre, les États du pape, le pape est un chef temporel. Un État qui est en Italie centrale, et donc impliqué dans toutes les querelles qui se développent entre les États et les communes, en Italie, Milan contre Florence, Florence contre Sienne, etc., etc. Et donc, la papauté est prise là-dedans. Donc, il y a déjà ça. Et d'autre part, elle est prise aussi entre les États contrôlés par l'empereur du Saint-Empire romain germanique de l'époque, qui appartient à la dynastie des Staufen et qui est, pendant la première moitié du siècle et jusqu'en 1268, maître aussi du royaume de Sicile à titre héréditaire. L'empereur germanique est roi d'Italie, c'est-à-dire d'Italie du Nord, et roi de Sicile, roi élu en Italie du Nord et roi de Sicile au sud. Et le pape est entre les deux. Et les Staufen et le pape, ça fait pas bon ménage. Donc contre ses ennemis, contre tous ses ennemis, que ce soit des ennemis italiens, une petite principauté italienne, une ville, etc., eh bien le pape, contre ses ennemis Staufen, contre ses ennemis dans le patrimoine de Saint-Pierre même, les cardinaux qui lui sont hostiles, le pape va lancer des croisades. C'est-à-dire qu'il va lancer des expéditions qui seront assorties du privilège de la croisade et qui permettront à n'importe quel quidam qui passe par là de s'engager dans une expédition à côté de chez lui, pratiquement, hein, sans grand risque, et de bénéficier de l'indulgence de croisade, c'est-à-dire de rayer de son casier judiciaire un certain nombre de péchés qui l'encombraient. Alors évidemment, à partir de là, ce qu'on appelle là les croisades politiques, eh bien, c'est à propos de cette extension du champ de la croisade qu'il faut se poser la question de la critique de la croisade. On a dit que la croisade avait été critiquée, c'est vrai. Mais finalement, je n'ai pas le temps de développer, hein, ce qui a été critiqué, on cite toujours les mêmes, hein, les mêmes traités de trois publicistes du XIIe siècle qui ont publié des critiques de fond de la croisade. Et en particulier, un Ralph Niger, hein, Raoul Lenoir, un publiciste anglais de la fin, écrivait au temps de la Troisième Croisade, et qui a carrément refusé la croisade. Hein. Deus vult, hein, Dieu le veut, disaient les croisés de la première croisade, lui il dit Dieu ne veut pas. Hein. Ce fort de l'expérience qui s'est écoulée, il dit Dieu ne veut pas et il rejette la croisade. Mais tout ça reste quand même très peu de choses. Ce n'est pas la croisade en tant que telle qu'on critique. Même les ardents partisans de la mission pacifique savent bien qu'ils en ont besoin, hein, au moins dans certaines situations. Mais en revanche, tout ce qui est déviation, tout ce qui est abus, tout ce qui va dévier de la mission originelle du croisé va porter à critique. Alors évidemment, les croisades politiques du pape, la déviation de la croisade sur Constantinople, développements du rachat du vœu de croisade, le développement des indulgences, ces indulgences-là, hein, dont on parle, c'est celles que dénoncera Luther au XVIe siècle, hein, qui seront étendues en dehors de toute croisade, à tout bout de champ. On vendra des indulgences comme ça. Vous allez au marché, hein, vous achetez trois légumes, et puis vous achetez deux indulgences si vous y restez encore un peu de sous, hein, sans vous occuper de vous engager à partir en croisade ou ailleurs. Bon. Donc c'est ça, ça mène à ça. Hein. Alors, pas encore au XIIIe siècle, c'est pas encore évident, mais enfin, on le voit, et certains perçoivent déjà le danger. Donc tout cela a provoqué ces critiques, et finalement, en même temps, renforcé, là encore, ça fait partie de ce que j'appelle la réponse à l'appel de Clermont. Tous ceux qui critiquent, c'est au nom de ce qui a été fait, ce qui a été lancé à Clermont. La croisade, jusqu'au bout, pour ces gens-là, c'est Jérusalem. Et hormis Jérusalem, s'il n'y a pas Jérusalem dans l'expédition, pour eux, ce n'est pas une croisade, ce n'est pas bien, c'est mauvais, c'est un danger, etc. Donc, jusqu'au bout, hein, la croisade est restée, à mon sens, la définition, toute définition de croisade doit intégrer ce fait que dans la croisade, il doit y avoir toujours Jérusalem. Et je prends simplement la critique, une critique de croisade d'un templier qui était aussi poète, Rico Bonomel, au moment où la guerre contre Einstaufen, là, l'héritier de Frédéric II, Manfred, le pape lance une croisade contre lui en 1262, Rico Bonomel souligne que, tout à sa guerre contre Manfred, le pape se soucie comme d'une guigne de la Terre Sainte, et quiconque veut échanger l'expédition outre-mer contre les guerres des Lombards, c'est-à-dire des Allemands, des Stauffen, notre légat lui en donnera le pouvoir, car les clercs vendent de Dieu et des indulgences pour de l'argent comptant. Bon, ça, Luther pourrait écrire ça. C'est déjà c'est exactement pareil, c'est déjà aussi perspicace que ce qui se passera par la suite. Donc c'est ça qui montre bien que finalement l'esprit, l'idée de croisade est restée dans l'esprit des fidèles, dans l'esprit de ceux qui font la croisade et des croisés, est restée cela. Alors j'en terminerai en passant rapidement sur la croisade, oui, puis les cartes. Vous voyez ça, c'est bon, l'Espagne, la reconquête. Alors, il faut bien voir que l'Espagne de la reconquête en Espagne, c'est quatre royaumes, plus un comté, la Catalogne, l'Aragon, le Léon et la Castille, désunis, le Portugal, etc. Hein. Donc chacun mène ses petites opérations d'un côté ou de l'autre, quelquefois ensemble, en 1212 à Las Navas, mais c'est pas unifié, hein, chacun a ses intérêts. Et puis vous avez la croisade missionnaire qui est menée en Prusse, dans les États. Vous voyez, c'est en violet, les États qui sont contrôlés par l'ordre teutonique. Alors, il y a deux États, en fait, il y a deux secteurs. Il y a la Prusse, qui forme un véritable État, dont les teutoniques sont les souverains, c'est les maîtres souverains. Et puis, il y a la Livonie, avec Riga, où là, les teutoniques partagent le pouvoir avec les évêques et archevêques, en particulier l'archevêque de Riga. Ça, c'est le château du Crac des Chevaliers, bien connu, qui était un des grands moyens de défense dans le comté de Tripoli. Et ça, c'est l'hôpital de Jérusalem à Acre, la grande salle de l'hôpital, de l'ordre de l'hôpital à Acre. Donc j'en reviens à cette conclusion. Ben non, il n'y a plus. Je n'avais pas fait la conclusion. Bon, peu importe, donc, je n'avais pas écrit. Donc à cette conclusion, sur la critique, sur la définition de la croisade, pour en terminer là-dessus, c'est que, en fait, il y a actuellement parmi les historiens de la croisade deux conceptions qui s'opposent. Il y a les traditionalistes, ou qui sont définis comme tels par les autres. Donc il faut se méfier. Bon. Plus que les autres, c'est tous des Anglais. Alors, vous se méfiez encore plus. Donc, les traditionalistes qui pensent que dans croisade, il y a Jérusalem. Et que quand il n'y a pas Jérusalem, il n'y a pas croisade. Qu'il y a des mots, il y a un vocabulaire qui est utilisé, qui distingue bien les choses, et qu'on n'utilise pas les mêmes mots, le même vocabulaire, pour une opération menée en Terre Sainte, une opération menée en Espagne, une opération menée en Baltique ou ailleurs. Et que donc, ça a un sens, il faut être attentif au sens des mots, et que si les gens du temps ont pris la précaution de distinguer par des mots les choses, eh bien, il faut les suivre et faire pareil. Donc, les traditionalistes, dont je suis, sans me croire traditionnaliste d'ailleurs, avec Jean Fleury et avec d'autres historiens en France notamment, mais maintenant aussi de plus en plus en Espagne, et d'autres, et des Allemands, on continue à maintenir l'idée que la croisade, c'est d'abord une opération menée avec, dans le but de libérer, défendre, et centrer sur Jérusalem. Mais que les institutions créées, les institutions et le droit de croisade créés, peuvent effectivement être utilisées sur d'autres fronts, sur d'autres, dans d'autres luttes, qui ne sont pas à l'origine des croisades, qui sont guerres saintes, qui sont croisades missionnaires, guerres missionnaires, qui sont tout simplement une guerre politique en Italie. Ça, on peut très bien, rien n'interdit au pape de l'utiliser, il le fait à ses risques et périls, ça sera critiqué ou pas critiqué, mais c'est possible. Et il faut bien voir que dans certains cas, on peut effectivement accepter qu'on appelle croisade certaines interventions qui ont pratiquement tous les éléments, à qui on a ajouté tous les éléments de la croisade. Et puis, il y a ceux qui pensent que la croisade se définit non pas par son objectif, Jérusalem, mais par son origine, le pape, et par une institution qui lui est propre, qu'on trouvait nulle part ailleurs, l'indulgence. Sauf que l'indulgence de croisade, c'est l'indulgence du pèlerinage adaptée, qui continue aux côtés de l'indulgence de pèlerinage. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas propre à la croisade, même si, pour la croisade, elle a une connotation propre, parce que le croisé combat, le pèlerin, non. Et longtemps, le combat, même juste, était considéré comme un péché qui exigeait réparation. Mais là, maintenant, avec l'indulgence de croisade, vous combattez, ça vous permet d'annuler vos péchés. C'est le combat lui-même qui permet d'annuler les péchés. Alors qu'avant, même si vous combattiez pour le bien, même pour la bonne cause, il fallait quand même passer par le confessionnal pour dire « Ah, pff, hein, je fais ça, et puis bénéficier. » Donc, c'est le pape qui est à l'origine de la croisade. Et donc, la croisade, c'est toute décision, toute expédition menée à l'initiative du pape dans l'intérêt de l'Église et de la foi. Donc, tout est croisade. Contre les Albigeois, contre les Prusses, contre les Dains, tout ça, c'est de la croisade. Le pape mène. Alors, c'est cette conception dite pluraliste qui est quasiment monopolisée par les Anglais. Et comme la plupart du temps, nos amis anglais n'ont pas besoin de lire ce qui s'écrit en français, en italien, en allemand, eh bien, ils ont considéré, une fois pour toutes, que cette conception pluraliste avait triomphé et que c'était la seule qui méritait un peu digne de l'importance. C'est pour ça que je conclurai en disant que la meilleure façon de défendre le français, c'est d'apprendre l'anglais, de façon à publier en anglais, alors là, faites ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait, mais c'est d'apprendre l'anglais et de publier en anglais nos ouvrages et nos œuvres, comme le font d'ailleurs les Allemands, de façon à leur faire connaître, à nos amis anglais, qui des fois font des bonnes choses, mais pas toujours, hein, des fois leur faire connaître le résultat de nos recherches, parce que sinon, eux, ils ne traduisent pas, ou rarement, et ils n'ont pas besoin, de toute façon, tout est publié en anglais, il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Voilà, j'en terminerai là-dessus, ça a été un peu long, ah oui, j'ai dépassé mon heure et demie, comme d'habitude, enfin un peu moins que d'habitude, et je vous remercie d'avoir été patient. Je n'ai pas tout dit, hein, il y a encore des tas de choses à dire sur la croisade, surtout sur les croisades qui se prolongent au XIVe, au XVe siècle, enfin sur la façon dont ça se prolonge au XIVe, XVe siècle. Bon, on le dira une autre fois. Voilà, je vous remercie, mais si vous avez des questions à poser, et que si vous avez encore le temps, et si on est encore dans la salle pour ça, je suis prêt à vous répondre. Oui ? Merci. C'est moi qui n'ai pas entendu, mais est-ce que vous avez défini qui, quand a été créé ce mot croisade finalement ? Alors non, finalement, oui, à force de dire que c'était... Non, alors le mot croisade lui-même, il a été créé d'abord dans les langues vulgaires, qui étaient beaucoup plus imaginatives, beaucoup plus inventives que le latin. Le latin, on est toujours resté à des mots du pèlerinage. Au 15e, au 14e, au 15e siècle, la croisade, le mot qui désigne la croisade dans les textes latins, c'est le passage. Le saint passage d'outre-mer. Ça est traduit en français aussi. Hein, saint passage d'outre-mer. Passagium. Passage général. Passage particulier. Quand on distinguera des expéditions pour ouvrir un front et puis les expéditions générales. Mais le latin n'utilisera pratiquement pas le mot. Hein. Le mot croisé, oui, crucis signatus devenu le croisé. Alors, c'est dans le vocabulaire des langues vulgaires, des langues vernaculaires plutôt, qu'est apparue la croisier, la croiserie, la croisette, c'est joli, hein, mignon, les Espagnols, la crociata, les Italiens plutôt, la cruzada en Espagne, etc. Mais pas avant le XIIIe, pas avant les premières mentions, c'est au XIIIe siècle, puis surtout au XIVe, XVe siècle. Alors, à ce moment-là, la croisade, il y a un mot pour la désigner. Comment ? Oui, ben c'est dans les textes du temps, hein, on fait dans les sources. Hein. Ah ben, ils sont restés... Bon, le pape s'est resté en latin presque jusqu'au bout, hein, a fait assez largement. Toutes les bulles de croisade sont toutes en latin. Et les prédications se font en latin, avec des traducteurs, hein, des tournées de prédication qui sont organisées. Bon, mais sinon, il y a beaucoup de textes... Bon, parce que la littérature de croisade, au début... Elle est le fait de clercs. Tous les historiens de la croisade, les premiers historiens de la croisade, c'est tous des membres du clergé. Comment ? Ah, dans les tribunaux, c'était en latin. Et puis, bon, après, si les tribunaux, on juge un vol, ça se fait en langue vulgaire. Mais au Parlement de Paris, vous avez, au XVe siècle, les plaidoiries sont en français. Hein, les plaidoiries sont en français, mais les jugements sont en latin. Une séparation, il y a des registres de plaidoirie, des registres, bon. Et seulement, alors, donc, je vous dis, il y a la littérature de la croisade, c'est d'abord une littérature cléricale, hein. Des gens qui sont, des hommes d'église, qui connaissent la Bible par cœur, qui sont capables de la réciter dans tous les sens, du milieu vers la fin, de la fin vers le avant, etc., qui truffent leurs récits d'extraits de la Bible, c'est pour ça que dans le récit de la croisade et de la prise de Jérusalem, c'est monstrueux. Le sang coulait dans les rues et allait jusqu'au jarret des chevaux. Bon, si vous voyez la configuration de Jérusalem, vous dites bon qu'à un moment, ça devait bien couler, s'accumuler quelque part, et là, tout le monde aurait été noyé, hein, parce qu'on boue comme ça. Bon, mais ça, c'est tiré de la Bible. Dans la Bible, il y a des combats, comme ça, enfin, on cite, hein, et on reprend. Ils n'ont jamais vu, d'ailleurs, certains n'ont jamais vu, mais ils citent, ils racontent. Alors, faut faire attention à ce qu'ils racontent, hein, à la façon dont ils le disent. Puis après, au XIIIe siècle, on a quand même des récits de croisades en langue vulgaire. Et par exemple, Rudebeuf fait un recueil de 11 poèmes sur la croisade et le croisé qui sont en langue vulgaire. Et donc, à ce moment-là, ben, on voit apparaître, c'est là qu'on voit apparaître. Et il y a toute une littérature en langue vulgaire faite par des nobles, par des laïcs, qui va commencer à se développer. Après, vous avez tous les romans... en langue vernaculaire qui se développe. Oui ? Non, non, non. C'est la langue, c'est le français, c'est la langue vernaculaire. C'est le vulgaire par rapport au latin. C'est parlé par le vulgaire qui ne sait pas le latin. Vous savez, les notions, on est au Moyen-Âge. Hein, on n'est pas oubliez le XXe siècle et toutes les âneries qu'on dit dans les, partout, sur, hein, comme ça, sur Twitter, sur machin et autres. Hein, au Moyen-Âge, quand on est illettré, hein, illiteratus, ça veut dire qu'on ne sait pas le latin et qu'on ne le pratique pas. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas lire ni écrire. Hein. Et beaucoup, quand on dit que la noblesse, l'aristocratie du Moyen-Âge est ignarde et qu'elle ne sait pas lire ni écrire, c'est complètement idiot. Elle ne sait pas lire ni écrire le latin, enfin du moins certains. Celui qui va être réservé au cloître et au couvent, il saura le latin. Alors quelquefois, quand l'aîné meurt au combat et qu'il faut quand même prendre la succession pour du patrimoine, on le sort du couvent, et à ce moment-là, c'est très utile de savoir le latin pour gérer son domaine, etc. Donc on a aussi des gestionnaires laïcs qui savent le latin. Mais c'est ça, illettré, illitteratus. Or, c'est habile, hein, on s'en sert. Pendant le procès des Templiers, par exemple, il y a des tas de Templiers qui ont dit non, ils ne pouvaient pas défendre parce qu'ils étaient illitteratus. Je veux dire qu'ils ne connaissaient pas le latin. Bah oui, mais enfin bon, quand même. Hein, ils pouvaient quand même dire quelque chose. Oui, monsieur ? Non, en Avignon et Rome, c'est à partir de 1378. Bon, autant des croisades et avant, il y a eu des schismes à l'intérieur de l'Église romaine. Il n'y a pas que le schisme entre l'Église grecque, hein, et l'Église latine, en gros, les deux blocs, 1054. À l'intérieur de l'Église latine, il y a des schismes. Par exemple, quand Grégoire VII a lutté contre l'empereur Henri IV, il a lutté aussi contre le pape schismatique que l'empereur Henri IV avait nommé, ou avait fait nommer, Victor III, je crois. Hein. Donc, des schismes, c'est des schismes politiques. C'est un empereur pas content du pape, il essaye de l'enfermer à Rome, et puis, ou de le virer de Rome, et puis il nomme un pape. Bon, ça dure ce que ça dure. Mais il y a eu des schismes tout au long de cette période. Mais pour en revenir à Rome et Avignon, la papauté, en 1305, le pape Clément V était archevêque de Bordeaux, il n'était pas à Rome à ce moment-là, il est resté dans le coin, il est resté à Poitiers, sous la coupe du roi de France. Il a le désir d'aller à Rome, les conditions... Rome, c'était le foutoir complet tout le temps, hein, entre les différentes factions de l'aristocratie qui nommait des papes. Bon, c'était pas pacifié. Il n'y est pas allé, il s'est arrêté à Avignon. Puis la papauté s'y est installée et il y est resté. Jusqu'en 1378, où là, il y a eu un coup de Trafalgar, un schisme, entre un pape qui a été élu et qui. Le dernier pape d'Avignon est rentré à Rome, hein, Grégoire XII. Il est rentré à Rome. Et c'est là qu'a été élu un pape dont les cardinaux ont refusé l'élection 6 mois après. Ils en ont nommé un autre. Mais ça a provoqué le schisme. Et le pape deuxième élu est revenu s'installer à Avignon. Alors on a eu ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident de 1378 à 1417. C'est résolu finalement en 1417. Oui. Non, ni guerre sainte, ni guerre juste. Les bulles parlent je vous dis, c'est le mot négocium, avec un prédicat. Il y a le négocium pour la terre sainte, pour le négocium de la croix, il y a le négocium de la paix et de la foi, pour le, etc. Donc, au cas par cas, on va indiquer ce mot, ce terme vague, passe-partout, hein, l'affaire, ça ne mange pas de pain, eh bien, on le précise, hein, par deux, trois mots qui viennent s'y ajouter. Mais non, ils n'utilisent pas le mot croix. Les papes, même Innocent III, fait bien la distinction et tout le temps. Alors après, je vous dis le mot qui va se généraliser, mais c'est au XIVe, XVe siècle, c'est le mot de passagium. Passage. Mais ça sera davantage pour des projets de croisade que pour des croisades réelles. Bon, ils n'ont pas un rôle très, très particulier, ils ont un rôle. Hein. Bon. Les Templiers, c'est quoi? C'est, il y a, au début, sont partis en croisade des gens qui se sont, qui ont prononcé un vœu, qui ont été récompensés pour leur peine, par la pénitence, qui ont fait une pénitence en allant en croisade, qui ont été récompensés donc par, par l'indulgence. Et puis, il y a des gens, donc parmi eux, il y a des chevaliers qui sont partis comme ça, et qui ont été insatisfaits de cette situation, qui voudraient mener une expérience religieuse plus, plus approfondie. Et en particulier, c'était créé autour des... C'était pas propre d'ailleurs à l'Orient de la croisade, mais autour des établissements religieux. Le pape lui-même, Grégoire VII, avait créé ça. C'était créer des confréries de chevaliers pour défendre un établissement religieux. Hein, on est dans cette période de la réforme grégorienne et aussi ce qu'on appelle les mouvements de paix. C'est-à-dire on essaie de canaliser, de violence non pas généralisée, il ne faut pas exagérer, mais où la violence devient plus intolérable, hein, même si elle n'est pas pire qu'avant. Hein, elle devient plus intolérable et on veut la canaliser. La présider. Et donc les fauteurs de violence, ce sont les chevaliers. Les chevaliers, c'est les hommes de main des grands seigneurs. Bon, puis ils vont peu à peu s'émanciper, formuler leur propre idéologie, leur propre culture, la culture chevaleresque. Bon. Et, mais ces chevaliers, il faut leur dire, bon, ça suffit comme ça de vous attaquer à travers à tout le monde, etc. Bon, on fait les faire rentrer dans le rang. Alors, on a les mouvements de paix, le mouvement de la paix de Dieu, le mouvement de la trêve de Dieu. Vous pouvez combattre, mais pas contre ces gens qui sont sans armes, etc. Vous ne pouvez pas combattre pendant la semaine sainte. Vous ne pouvez pas combattre pendant la période de la nativité. Vous ne pouvez pas combattre à tel moment. Vous ne pouvez pas combattre le dimanche. Vous ne pouvez pas combattre la veille du dimanche. Vous ne pouvez pas combattre le lendemain du dimanche. Bon, pas le mardi, si c'est, bon, etc., ainsi de suite. Donc, on leur donne des trucs comme ça, des règlements, comme diraient les anti-européens actuellement. Hein. Eh bien, vous ne pouvez pas combattre... Alors, peu à peu, quand même, ça a de l'effet. Hein. Et... simplement, on leur offre un débouché. La croisade, d'une certaine façon, c'est un débouché. Au moins là, contre les adversaires du non-chrétien, contre ceux qui polluent Jérusalem, vous pouvez aller combattre et faire gagner le salut en exerçant votre métier des armes. On ne nie pas leur utilité en tant que combattant. Hein? On ne les rejette pas. C'est fini maintenant où pour faire son salut, il fallait entrer au cloître et abandonner ce qu'on faisait dans la vie de tous les jours. Maintenant, on peut faire son salut tout en restant soi-même, c'est-à-dire en restant chevalier, mais à condition de le faire au service de Dieu. Et dans la réforme grégorienne, il y a tout ça. Hein? Bon. Et donc, l'étape au-delà, c'est bien, je pars en croisade, je m'engage dans une confrérie de chevaliers pour défendre un établissement, à Jérusalem, il y a ceux qui ont été recrutés par les chanoines du Saint-Sépulcre. Dès que Jérusalem a été conquise, il y a eu un patriarche latin qui a été nommé et un chapitre de chanoines, les chanoines du Saint-Sépulcre, puisque Jérusalem jouait le rôle de siège épiscopal pour la contrée. Ce Saint-Sépulcre avait des biens un peu partout, hein, il en a acquis. Bon. Il fallait les défendre, parce que la situation n'était quand même pas pendant 30 ans au début, hein, jusqu'à vers 1130, l'insécurité était quand même assez largement répandue dans le royaume de Jérusalem. Donc, il s'est constitué une milice, une confrérie, comme par exemple des établissements religieux en Occident s'en étaient créés, pour défendre leurs biens, pour défendre leurs possessions. L'ordre de Santiago en Espagne, ce n'est pas un ordre qui a été créé par l'archevêque de Compostelle pour protéger le pèlerinage à Compostelle, c'est pour protéger les biens de l'église de Compostelle, 100 km au sud, 150 km au sud de sur la frontière, là où il y avait des algarades musulmanes de temps en temps. Et donc, ce qui se passe en Terre Sainte, c'est que les chevaliers qui ont été au service du Saint-Sépulcre, à un moment, en ont eu assez, ont trouvé que ce n'était pas satisfaisant, qu'ils ne servaient pas à grand-chose, qu'on les utilisait mal, qu'il y avait d'autres besoins, et en particulier les besoins militaires. Donc ils ont éprouvé le besoin, et les premiers d'entre eux, c'est le fameux Hugues de Pin, qui était un champenois, qui était venu en croisade, avec le comte de Champagne, mais qui lui était resté, qui s'était engagé dans cette confrérie, et qui a développé, avec un certain nombre de ses compagnons de confrérie, l'idée de créer un ordre religieux équivalent, même type que l'ordre clunisien, que l'ordre cistercien, c'est-à-dire où on s'engagerait par des vœux perpétuels. Donc un vœu perpétuel, c'est le vœu du moine, c'est le vœu du religieux, c'est pas le vœu du croisé. Les Templiers ne seront jamais des croisés. Ils porteront la croix sur l'épaule aussi, mais pas parce qu'ils ont prononcé le vœu du croisé, mais parce qu'ils ont prononcé un vœu perpétuel, le vœu du moine. Et simplement la différence avec les cisterciens ou les clunisiens, qui sont des moines de cœur, des moines de cloître, hein, qui vivent cloîtrés, en principe, hein, parce que vous savez quel est le surnom des clunisiens, hein, c'est l'ordre de Saint-Benoît. Alors, c'est ordre de Saint-Benoît, c'est OSB, hein, c'est traduit par « on se balade hein. ». Bon, donc, il faut quelquefois réformer, hein, c'est pour ça qu'il y a eu des réformes dans l'ordre clunisien de temps en temps. Et donc, les Templiers veulent former un ordre, ils veulent obéir à un maître, un abbé, qu'ils appelleront maître, et ils veulent vivre selon une règle. Et c'est ce qui va leur être accordé en 1129, ils vont faire reconnaître, alors c'est accordé en Orient, ils ont l'appui du patriarche de Jérusalem, pas mécontent de jouer un tour de cochon aux chanoines du Saint-Sépulcre d'ailleurs, toujours, hein, entre évêques et chanoines, il y a souvent des frottements. Et puis le roi de Jérusalem, Baudouin II, va les encourager. Et ils vont obtenir de la papauté, par l'intermédiaire de ce concile tenu à Troyes en 1129, au début de 1129, ils vont obtenir la reconnaissance de leur expérience. C'est-à-dire d'un ordre religieux qui va avoir une activité dans le siècle, au milieu des gens, et une activité militaire, violente, pouvant entraîner la mort d'autrui et la mort de... Donc c'est ça qui est nouveau. C'est un ordre religieux qui fait la guerre. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est apporter une force beaucoup plus efficace en aide à la croisade. C'est en ça qu'ils sont impliqués dans la croisade. À côté d'eux, il y aura les hospitaliers qui, eux, ont d'abord développé un hôpital pour accueillir les pèlerins. L'ordre de l'hôpital est né d'un hôpital, au sens propre du terme. C'est d'abord cet hôpital et ceux qui le servaient qui ont développé un réseau, non pas d'hôpitaux, mais de maisons en Occident pour alimenter en ressources l'hôpital de Jérusalem, capable d'accueillir 1000 malades. Hein, ce n'est pas un petit machin où on met trois comme ça. Hein. Et donc, ils vont se militariser ensuite, cet ordre de l'hôpital, à l'activité hospitalière, qui est son activité primitive, va s'ajouter l'activité militaire, et ils vont devenir un ordre militaire équivalent de celui des Templiers. Et puis il va y avoir un troisième ordre du même genre, c'est l'ordre des Teutoniques. Là, ce sont les questions linguistiques qui ont joué. Les Allemands n'étaient pas à leur aise dans le temple et dans l'hôpital pour les questions de langue. Ils ont formé leur propre hôpital pendant le siège d'Acre au moment de la Troisième Croisade. Acre avait été perdu, a été reconquis au moment de la Troisième Croisade. Et dans le camp des assiégeants, ils ont créé cet hôpital de campagne qui est devenu ensuite un ordre religieux militaire. Et bah, qui ensuite a vécu sa vie autrement, c'est-à-dire qui s'est implanté aussi en Prusse, et c'est là qu'il a connu son succès. Donc vous voyez, c'est en ça qu'ils sont impliqués, que ces ordres religieux militaires sont impliqués dans la croisade. Et pour moi, c'est le lieu d'activité, là où un ordre religieux militaire exerce son activité, c'est, je crois, un bon marqueur de la croisade, même si au départ... on peut dire que la reconquête, c'est pas la croisade, la guerre missionnaire en Prusse, c'est pas la croisade, mais il y a des ordres religieux militaires qui s'y implantent, le temple, l'hôpital qui ont essaimé par là, mais aussi des ordres propres, hein. En Espagne il y en a eu plusieurs, Calatrava, Santiago, Alcantara, Avis au Portugal. Bon, il y a les ordres qui se sont créés en Prusse et puis qui ont périclité très vite au profit de l'ordre teutonique. Bon, on n'est pas dans une zone de croisade avec Jérusalem, mais on est dans cette zone où on dit qu'on fait comme si on était à Jérusalem. Et donc, faut pas être figé, si vous voulez. Moi, je suis pour une définition dynamique de la croisade. La croisade, c'est née de Jérusalem et par la pratique, par les institutions, par le droit de la croisade, ça a pu s'étendre à d'autres secteurs qui n'étaient pas, a priori, terre de croisade, et qui n'était pas tout à fait, où il n'y avait pas tous les éléments qu'on peut trouver à la croisade. Oui. Vous avez parlé des échanges culturels, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien Oui, c'est là, oui. Enfin, en Terre Sainte comme en Espagne, oui. Oui, c'est bien. Ouais, je vous dis que simplement, il faut préciser que les chiffres arabes étaient indiens. Hein? D'accord. Mais c'est parce que c'est. On est là. Si vous voulez, l'intérêt de la. Parce que, bon, la croisade, on va lui faire porter, elle a le dos large, donc on lui fait porter des tas de choses qui ne sont pas la croisade. L'extension du commerce en Méditerranée, l'expansion commerciale des Italiens, ça se serait produit de toute façon, qu'il y ait croisade ou pas. Ce n'est pas la croisade qui a créé ça. C'est les Italiens qui se sont développés, etc. Les Italiens, le lieu important, c'est Alexandrie. C'est d'abord Byzance, c'est d'abord Constantinople, notamment, puis c'est Alexandrie. Parce que c'est à Alexandrie que se fait le contact avec le monde oriental. La route de la soie, elle est un peu coupée à cette époque. C'est par Alexandrie que ça se passe. C'est de là que remonte de l'océan Indien, puis par la mer Rouge, puis ensuite par une voie terrestre, jusqu'à Alexandrie, les produits de l'Inde, les produits de la Chine, etc., ces produits qu'on retrouve. Et l'intérêt de la croisade, le fait qu'il y a eu la croisade et donc l'établissement des États latins, c'est que les ports qui n'avaient aucun intérêt jusque-là, des États latins, sont devenus aussi des débouchés possibles de routes caravanières qui passaient à l'intérieur de la Mésopotamie, entre Mossoul, le Sinaï, etc., qui passait par là, mais qui ne passait pas, qui n'allait pas vers la côte méditerranéenne, qui n'avait aucun intérêt. Hein. On allait vers la mer Noire, et de là, ça pouvait rejoindre Byzance, ou bien... Bon. Et du fait qu'il y a eu la présence des Latins et des quartiers italiens, parce que les flottes italiennes et les Italiens ont participé à la croisade aussi, hein, ils ne sont pas venus là simplement pour faire du commerce, en disant, bon, les bateaux pisans, ou génois, je ne sais plus lesquels, qui ont accompagné le cheminement de la première croisade depuis Antioche, enfin en gros le port de Saint-Siméon, jusqu'à la côte au large de Jérusalem, ce sont ces bateaux qui démolissent et on a récupéré le bois qui a servi à faire les machines de guerre, qui ont servi à prendre la ville. Donc ils viennent aussi en croisade. Hein, ils ont accepté sans problème de sacrifier leurs bateaux. Pour le retour, on aurait toujours le temps de voir. Bon, donc, à partir de là, le commerce a pu aussi il y a d'autres routes commerciales qui ont pu se développer. Mais ce n'est pas la croisade. C'est une conséquence de... Et il y a des tas de choses comme ça. Et en particulier, les échanges culturels, malgré les échanges d'oignons, les échanges culturels se sont faits aussi. Il y avait de quoi. Il y avait de la possibilité de le faire. Bien, on en reste là. Eh bien, merci et...